fous. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, Télévision, le temps passé devant la télé est toujours en baisse. Ils ont juste à inventer une télé qui se regarde par en arrière ou ses côtés. Voyons donc. Dans Merci Science, certaines personnes voient 100 fois plus de couleurs que les autres. La vraie question, s'ils voient 100 fois plus de couleurs, est-ce qu'ils sont 100 fois plus racistes? Et dans le segment Geek Célix, une loi pour interdire les textos en marchant. Au Mathieu Plante Show, tout de suite. Et voici celui qui texte en animant. Deux secondes. Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 11 avril 2016, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de science, technologie, médecine, merci science, le segment Geek CNX. Et dans une demi-heure environ, la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Aujourd'hui, Samuel nous parle du LAN ETS et des défis inusités qu'on peut se lancer dans les jeux vidéo. Donc, c'est dans une trentaine de minutes environ. Bon, Mathieu Plante Show, pour commencer, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo encore créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et on commence avec un extrait de l'album Retroactive Part 2. Hein? Brave Wave, Chaotic Code, tout de suite au Mathieu Plante Show. Sourcif. C'est Chaotic Code par Kaiji Yamagishi sur l'album Retroactive Part 2. Keiji Yamagishi, qui est le compositeur des jeux de Ninja Gaiden. L'album existe depuis le mois de février, disponible pour 7$ en passant par assemblagerequis.com. Maintenant, c'est Television Television. C'est Television Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Absolument, on commence par le Québec, ensuite on va au Canada, aux États-Unis, dans le reste du monde et sur Internet. On n'a pas beaucoup de nouvelles du Québec cette fois-ci. En fait, on va commencer par le Canada. Alors que Vice News Canada est forcé de remettre des échanges avec un présumé djihadiste. Donc, un tribunal a ordonné au média canadien Vice News Canada de remettre à la police fédérale la totalité de ses échanges avec un présumé djihadiste dans un jugement récent obtenu par l'agence France Presse. La police réclamait les captures d'écran des conversations qu'un journaliste de Vice News Canada, Ben Makuch, a eues sur un site d'échange en ligne avec Farah Sheridan, un Canadien parti en Irak ou en Syrie en mars 2014 et soupçonné depuis l'automne dernier d'avoir allié le groupe armé État islamique. Appelé à trancher, le juge de la Cour supérieure de l'Ontario, Ian McDonald, a estimé que les informations détenues par le journaliste constituaient des éléments de preuve importants pour permettre à la police de mener à bien son enquête. Contacté par l'agence France Presse, Ben Makuch s'est dit contrarié par la décision de la justice. Je cite, « Elle va avoir des conséquences négatives pour les journalistes car des sources vont vouloir éviter de leur parler, craignant qu'ils soient au service de l'État, des forces de l'ordre ou des agences de renseignement. » Pour le journaliste, la décision est d'autant moins justifiée qu'il avait déjà publié 3 articles entre juin et octobre 2014 au sujet de Farah Sheridan, reprenant l'essentiel de leurs échanges. Le directeur de l'organisation Journaliste canadien pour la liberté d'expression, Tom Heinefer, a aussi abondé dans le même sens. Je cite, « Les journalistes ne sont pas des auxiliaires de la justice. » Vice News examine le jugement et envisage sérieusement de faire appel, a indiqué le groupe. Toujours au Canada, Trailer Park Boys Lucy Ducotter est en bon terme avec l'équipe. L'ex-actrice de Trailer Park Boys Lucy Ducotter assure qu'elle est toujours amie avec les acteurs et l'équipe de tournage de l'émission qu'elle a quittée, même si elle a déclaré que son départ volontaire était lié à l'arrestation aux États-Unis de l'une de ses vedettes. Ducotter a annoncé sa démission sur Twitter et a affirmé que c'était lié au fait que l'un des acteurs principaux de l'émission a été accusé de violence conjugale un jour auparavant. Par contre, un relationniste de Trailer Park Boys a supposément dit que Lucy Ducotter avait déclaré au producteur de l'émission il y a quelques semaines qu'elle ne reviendrait pas pour la prochaine saison. L'actrice a déclaré que la fin de semaine avait été très difficile. L'actrice est devenue bien connue un peu partout au pays lorsqu'elle a témoigné contre l'ex-animateur de radio Gian Gomeshi lors de son procès pour agression sexuelle. Il a déclaré non coupable le mois dernier. Je cite, « L'équipe et les acteurs de Trailer Park Boys sont toujours mes amis. Il n'y a pas de malaise entre nous. Je suis découragé par les centaines de messages désobligeants, cruels et sans cœur que j'ai lus. Pour ceux qui sont gentils, continuez, vous rendez Trailer Park Boys plaisant. » Mike Smith, qui joue le personnage de Bubbles dans la série culte, a été arrêté à Los Angeles en raison de soupçons de violence conjugale, puis relâché quelques heures plus tard sous caution. Il a nié avoir commis un acte criminel dans une déclaration écrite, affirmant que la femme impliquée dans la dispute était une amie avec laquelle il avait eu une discussion animée et bruyante. Je cite, « Je ne l'ai jamais attaqué, je ne suis pas coupable du délit dont je suis accusé. » Dans la même déclaration qui a été diffusée par la direction de Trailer Park Boys, une femme qui dit avoir été décrite comme la présumée victime a aussi nié les allégations de la police. Après que l'arrestation de M. Smith ait été rapportée, Lucy Ducotter a envoyé ce message sur Twitter. Je cite, « Si je découvre que quelqu'un agit de façon abusive, je coupe les ponts avec cette personne. Mike Smith retournera en cours le 29 avril pour faire face à l'accusation. » Et Trailer Park Boys, évidemment, met en scène 3 petits criminels qui vivent dans un parc de maisons mobiles. L'émission est produite par Showcase Television, basée à Toronto et est disponible sur Netflix. Maintenant, on va un petit peu à l'international, mais par la bande du Québec. J'avais dit qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles québécoises, mais quand même, étant donné que c'est en France, je pense que ça fit. Les recettes pompettes ne font pas rire le gouvernement français. Dans un communiqué émis récemment, le ministère des Affaires sociales et de la Santé demande aux producteurs des capsules humoristiques adaptées du concept d'Éric Salvaille de retirer la bande-annonce offerte sur YouTube et de renoncer à l'émission. Pour les responsables du ministère, les images proposées sur le web représentent une incitation à la consommation excessive d'alcool. Les conséquences, je cite ici, de la consommation excessive d'alcool sur la santé sont trop graves pour être prises à la légère. Il est regrettable et dangereux de laisser croire, en particulier aux jeunes, que l'ivresse serait un comportement anodin, voire valorisant. Des recours ont aussi été envisagés. Apprend-on, l'appel de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie a donc été entendu. Une demande au palier gouvernemental français avait été faite afin que cessent immédiatement les émissions qui incitent les jeunes à l'ivresse. Avant cette demande, M. Poulpe, qui est l'animateur des recettes pompettes en France, avait laissé savoir qu'il s'attendait à des réactions négatives, sans toutefois comprendre l'ampleur de la controverse. Sur les ondes d'une certaine radio, l'animateur Eric Salvaille n'a pas voulu prendre position, préférant rappeler que la même chose s'était produite au Québec lors du lancement de l'émission, alors que l'organisme Éduc'alcool a profité de toutes les tribunes possibles pour contester cette émission-là en disant qu'on faisait la promotion de l'alcool. En ligne depuis une semaine environ, la bande-annonce des recettes pompettes version française a attiré plus de 300 000 personnes. Le premier invité, Stéphane Bern, est attendu sur YouTube le 13 avril, donc aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent en direct, 8 épisodes doivent être déposés uniquement en ligne en raison donc de législation stricte concernant l'alcool à l'écran en France. Maintenant, on va aux États-Unis. Martin Sheen veut prouver l'innocence de O.J. Simpson. L'acteur et auteur Martin Sheen se lance dans une grande aventure, démontrer au petit écran l'innocence d'O.J. Simpson, cet ancien footballeur reconnu coupable au civil des meurtres de son ancienne femme Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman. La série télé qui s'intitulera Hard Evidence, O.J. is Innocent sera basée sur le livre O.J. is Innocent and I Can Prove It de l'auteur William C. Deere. Sheen désire ainsi approfondir... Trois grandes questions, les voici. Première, est-ce qu'il y avait assez de preuves pour démontrer l'innocence d'O.J. Simpson? Et si le tueur était encore au large? La deuxième, qu'arriverait-il si un grand jury décidait de revoir le cas avec les nouvelles preuves? En troisième, la série télévisée sera en ondes en 2017, un moment qui doit encore être déterminé. Le cas d'O.J. Simpson continue de fasciner tout le monde, même plus de deux décennies plus tard. Il y a une série en ce moment qui s'appelle The People vs. O.J. Simpson American Crime Story, qui fait actuellement fureur sur la chaîne FX. Dans le même ordre d'idées, La Loi et l'Ordre aura un nouveau dérivé, Law and Order True Crime, qui sera inspiré des frères Menendez. NBC donc développe sa propre série policière inspirée de faits réels, mettant en scène chaque saison une histoire différente. Et la première de Law and Order True Crime sera consacrée aux frères Menendez. Les 8 épisodes seront centrés sur les frères Lyle et Eric, condamnés en 96 pour le meurtre de leurs parents. Je cite, « Nous allons recréer les environnements culturels et sociaux des deux meurtres, ainsi que les procès à une époque où les gens étaient non seulement obsédés par l'affaire, mais examinaient aussi pourquoi et comment ces frères ont commis ces crimes affreux. » Le procès des frères Menendez a tenu l'Amérique en haleine et a été le plus attendu au pays avant celui de O.J. Simpson. Diffusé en direct, il avait battu alors des records d'audience. Lyle et Eric avaient raconté comment ils avaient, le 20 août 1989, abattu de sang-froid leurs parents. José Menendez, un riche producteur de films, et son épouse Kitty, à l'aide de fusils de chasse. Condamnés à perpétuité, les deux frères purgent leur peine depuis 2008 en Californie. Selena Gomez sera de retour à la télé. Elle a beaucoup passé de temps sans être dans une série régulièrement. Elle s'apprête à s'investir de nouveau à la télé. Comme l'explique Gossip Cop, la chanteuse a décidé de faire équipe avec sa mère, Mandy Teefy, et le producteur Aaron Kaplan pour développer une série sur laquelle elle fera office de productrice exécutive. L'histoire est celle d'une jeune femme vivant dans un quartier latino-pauvre qui travaille dur pour réaliser ses rêves. C'est après avoir vu la jeune... Anna Kobaryubas parlait lors du Zimmer Children's Museum Discovery Award Dinner. Karen Kaplan a eu l'idée de ce concept. Dans son discours, la jeune femme avait évoqué son quartier frappé par la pauvreté et fait part de son désir de changer les choses. Elle servira de consultante sur le plateau. Quant à Selena Gomez, pour l'instant, on ne sait pas si elle jouera dans la série. C'est en tout cas pas son premier projet en tant que productrice. Elle a récemment planché sur une adaptation du roman 13 raisons de Jay Asher pour Netflix. Showtime se penche sur la crise des missiles cubains maintenant. Désireuse de proposer plus d'une mini-série à ses abonnés, la chaîne câblée met en route une fiction qui reviendra sur l'un des événements les plus connus de la guerre froide. Les 4 épisodes prévus s'appuieront sur les lettres échangées à l'époque par John F. Kennedy, Nikita Khrushchev et Fidel Castro. En octobre 1962, la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique est à son comble en raison de missiles soviétiques pointés vers les Américains depuis Cuba. Cet épisode, très connu de l'histoire américaine et mondiale, est relaté dans The Armageddon Letters, un livre de James Blight et Janet M. Lang, qui rassemble les lettres échangées à l'époque par les 3 dirigeants politiques, John Fitzgerald Kennedy, Nikita Khrushchev et Fidel Castro. Phil Alden Robinson, de la somme de toutes les peurs, se chargera de la réalisation et du scénario de cette mini-série, qui bénéficiera de l'expérience de Albert S. Ruddy, qu'on connaît pour Le Parrain, ainsi que La fille à $1 million, et de Mike Medavoy, qu'on connaît du Signe Noir et de Shutter Island, à la production. Ce projet tombe à point nommé à l'heure où les États-Unis et Cuba connaissent un rapprochement diplomatique. Showtime a d'ailleurs déjà profité de ce nouveau lien pour tourner la 5e saison de sa série House of Lies à La Havane. Les épisodes seront dévoilés à partir du 10 avril. Ont été dévoilés à partir du décembre. L'émission de Khloé Kardashian s'arrête déjà. Quand même quelque chose, et c'est rare que je mentionne ce nom-là à l'émission, donc profitez-en. Mais Khloé Kardashian aura tenu à peine 3 mois à l'antenne avec son émission Cocktails with Khloé. On lui a demandé de ranger ses shakers après seulement 14 épisodes. D'après plusieurs sources, la décision aurait été mutuelle entre la chaîne FYI Network et la star de télé-réalité qui souhaite se concentrer sur d'autres projets et n'avait pas l'intention de signer pour une autre saison. Les codes d'écoute étaient très bonnes, hein? D'autres épisodes enregistrés avant l'arrêt de l'émission seront diffusés prochainement et le dernier épisode devrait être consacré à son célèbre beau-frère Kanye West qui a accepté son invitation, je sais pas pourquoi, ainsi que Kim Kardashian et leurs amis Chrissy Teigen et John Legend. L'émission a été lancée le 20 janvier dernier et Khloé Kardashian avait été ravie de pouvoir se lancer dans une hebdomadaire. Elle se disait chanceuse d'avoir pu inviter des fans dans sa vie de façon hebdomadaire et cette émission lui avait donné l'opportunité de continuer à le faire d'une nouvelle façon avec des invités intéressants. Seth Rogen va adapter la BD The Boys pour la télé. Seth Rogen donc va adapter une nouvelle bande dessinée à la télé après Preacher de Garth Ennis pour la chaîne américaine AMC. L'acteur et son partenaire de production Evan Goldberg, qu'on connaît pour Les Voisins, vont développer The Boys du même auteur pour Cinemax selon Deadline. Eric Kripke, le producteur exécutif de Supernatural, est en charge de l'écriture du scénario. The Boys prend place à une époque où la plupart des super-héros sont corrompus par leur statut de célébrité et qui compromettent la sécurité mondiale en se livrant à un comportement la plupart du temps imprudent. La série est centrée sur une équipe de la CIA appelée The Boys, dont le travail consiste à veiller sur la prolifération de ces super-héros et de les éliminer lorsque c'est nécessaire. Preacher, également adapté d'une bande dessinée de Garth Ennis par Seth Rogen et Evan Goldberg, sera diffusé à partir du 22 mai sur la chaîne AMC. Le temps passé devant la télé est toujours en baisse, nous dit l'agence France-Presse. Les téléspectateurs ont encore réduit en 2015 le temps consacré à l'écoute de la télé en direct, surtout les jeunes qui privilégient de plus en plus d'autres usages, selon une étude portant sur 88 pays dévoilée au MIP TV à Cannes. L'an dernier, le temps consacré en moyenne à l'écoute en direct est ainsi tombé dans le monde à 3h14 par jour au lieu de 3h17, une tendance encore plus nette chez les jeunes avec 2h04 d'écoute en direct par jour, soit 10 minutes de moins qu'en 2014 d'après cette étude Eurodata TV Worldwide. Cette décrue reflète de la concurrence d'Internet masque de grandes disparités, avec une croissance des temps d'audience en Afrique notamment. La durée d'audience aux États-Unis, qui est de 4h29, reste près de deux fois supérieure à celle de l'Asie à 2h32 contre 3h55 en Europe. Je pense qu'ils finissent pas leur émission, là. 3h55. La baisse de l'écoute en direct est à nuancer si l'on intègre le différé, donc la télévision en rattrapage ou par enregistrement sur une boîte numérique, qui accroît d'environ 15 minutes le temps quotidien passé devant le petit écran, selon des mesures faites dans 26 pays. Surtout, l'audience de la télévision en direct sur Internet grimpe en flèche. La France reste très en retard par rapport aux États-Unis ou au Canada. Aux États-Unis, la télé en direct ne représente plus que 47% du temps passé devant des programmes télé, de plus en plus regardés en différé et en ligne. Tous les pays ne vont pas au même rythme, alors qu'au Canada, 60% des jeunes adultes ont regardé un programme télé en entier sur Internet au cours du dernier mois. Seulement 6% des Français ont pris cette habitude. Ces pratiques sont tirées par l'augmentation des équipements. Donc, par exemple, 60% des Français ont un téléphone intelligent. Ces nouveaux usages de la télé sont peu à peu pris en compte dans les mesures d'audience. 7 pays, dont la France, en 2016, ont prévu d'intégrer prochainement l'audience télé des 4 écrans, donc on appelle la télé, ordinateur, téléphone et tablette, aux mesures habituelles. L'an dernier, le Nouvel An chinois diffusé sur la télé chinoise CCTV a réuni 151 millions de téléspectateurs, battant encore le record du programme le plus regardé dans le monde. Aux États-Unis, les Oscars restent le programme le plus regardé de l'année. J'imagine que ça, c'est sans compter les sports. Il y a souvent la clause de « à part les émissions sportives ». La vidéo en direct défie la télé traditionnelle, justement, tient le succès fulgurant d'outils comme Periscope, YouNow ou StreamUp qui permettent à chacun de filmer et diffuser ce qu'il vit en temps réel. Ça pourrait révolutionner les télés traditionnelles selon les professionnels réunis au marché international des programmes à Cannes en France. Plus qu'un documentaire ou un reportage, ces images brutes semblent à leurs fans plus vraies, justement par leur côté amateur. C'est ce qu'a constaté le jeune français Rémi Buisine, 25 ans, qui a filmé et diffusé en direct un mouvement de contestation sociale de jeunes à Paris baptisé Nuit debout. Des milliers de personnes sont restées rivées des heures à leur écran. Le succès de ces images en direct qui se multiplient sur Internet doit faire réfléchir les télévisions traditionnelles dont l'audience baisse dans le monde, comme on disait tantôt. A commenté à Cannes, le patron de StreamUp, l'une des plateformes en direct les plus utilisées. Flairant le filon, tous les grands acteurs du net s'y mettent. Periscope, propriété de Twitter, a conquis plus de 10 millions d'utilisateurs qui ont tourné plus de 200 millions de vidéos. Chaque jour, l'équivalent de 110 ans de vidéos en direct est regardé sur Periscope. On peut même maintenant connecter une caméra GoPro et la piloter à distance. Amazon s'est développé sur ce créneau avec sa plateforme Twitch, au départ dédiée aux jeux vidéo et qui depuis se diversifie. Les internautes l'utilisent pour filmer des événements et Amazon vient de lancer une émission de mode en direct, comme on a parlé de ça il y a, je crois, 2-3 semaines, Star Code Live, à raison de 30 minutes par jour et une chaîne de cuisine aussi. De son côté, Facebook a annoncé une amélioration de son système live, justement pour développer l'usage des vidéos filmées par smartphone et diffusées en direct. Ses utilisateurs pourront voir sur un espace dédié au live les vidéos en direct les plus populaires, les rechercher par thème et signaler à leurs amis. Les auteurs pourront partager leurs vidéos soit avec leurs amis, soit avec tout le monde. Google prépare sa riposte avec une application analogue pour YouTube qui s'appelle YouTube Connect, qui, selon la presse américaine, sera lancée à la fin du mois de mai. Autre gros acteur de ce secteur émergent, la plateforme américaine StreamUp, qui revendique 20 millions d'utilisateurs par mois et deux fois plus d'audience que Periscope et trois fois plus que YouNow. Beaucoup de ces plateformes ne gagnent guère d'argent, même si elles commencent à envisager des modèles de commandite ou de partenariat. Ainsi, StreamUp et Twitch permettent aux internautes de donner des pourboires. Les streamers les plus populaires touchent environ 250$ par heure, selon le président de StreamUp. Autre modèle de commandite, les accords avec les télés. Donc, Twitter a passé des accords avec des émissions comme The Voice pour que les stars parlent dans les coulisses sur Periscope. Si des célébrités utilisent Periscope pour montrer un peu de leur vraie vie à leurs fans, la vidéo en direct donne aussi à voir d'étonnantes tranches de vie. Sur YouNow, autre service de vidéo en direct très populaire chez les jeunes, des ados ont pris l'habitude de filmer en direct leur quotidien le plus banal et même de se filmer toute une nuit en train de dormir, ce qui ne refroidit pas l'enthousiasme de leurs fans, nous dit cet article très moyen de l'agence France Presse. On va passer maintenant au... on va continuer un petit peu dans le mondial avec les nouveautés télé mondiales présentées au MIP TV. La survie avec un téléphone intelligent pour cela mis, un rendez-vous amoureux avec des avatars, un chien qui vole, un mort qui chante. Les nouveautés des télés mondiales présentées au MIP TV de Cannes reflètent les travers du monde moderne. Stupid Man Smartphone, une émission d'aventure de la BBC, suit le comédien Russell Kane au bout du monde. Du cercle arctique jusqu'au Sahara avec un défi, survivre uniquement grâce à un téléphone intelligent. Une confrontation entre Internet et le désert, ou comment une géolocalisation peut vous sauver la vie. Entre futurisme et plaidoyer contre les préjugés physiques, dans Date My Avatar, une émission espagnole, trois prétendants courtisent une même jeune femme qui ne rencontrera que leur avatar humain, donc trois beaux gosses pilotés à distance par le vrai prétendant grâce à une oreillette. Ces Cyrano d'aujourd'hui prononceront des mots qui leur seront dictés, feront les gestes qui leur seront soufflés, et la vraie rencontre n'aura lieu qu'à la fin quand la jeune femme aura fait son choix. Le principe est un peu similaire dans un pilote d'émission israélien où une femme partage la vie d'un homme toute une journée sans jamais le voir. Grâce à une caméra qu'il porte sur lui, elle voit ce qu'il voit, mais pas sa personne. Elle doit habiter son appartement, rencontrer ses amis et ses parents et choisit à la fin. C'est aussi sur Internet qu'est basé le nouveau concours de chant de la télé norvégienne The Stream. Déjà un succès, la sélection est faite par les internautes, puisque ce sont les 100 chanteurs les plus visionnés qui peuvent monter sur scène. L'autre tendance est celle de l'immersion des hommes ordinaires dans la nature, comme si l'homme concurrencé par les machines avait besoin de se reconnecter à son côté animal, a souligné Virginia Mousler du cabinet spécialisé de Witt, qui présentait la sélection sur MIP TV. Wimps in the Wilderness, qui démarre au Danemark, largue sur une île déserte un groupe d'hommes peu sûrs d'eux pour savoir si cette expérience de survie les aide à reprendre confiance. Et SOS Survival of the Sexes, une émission néerlandaise, met en concurrence un groupe de femmes et un groupe d'hommes dans des conditions extrêmes. Le monde du crime et de la justice reste un filon pour les télés, avec deux émissions choc. Dans 60 Days In, télé-réalité diffusée sur la chaîne américaine A&E, sept hommes et femmes volontaires ont passé deux mois dans une prison réputée pour sa violence, sans que les autres détenus ni les gardiens ne le sachent. Et dans The Innocence Project, l'émission néerlandaise, on suit l'enquête d'un avocat sur le cas de plusieurs détenus qui clament leur innocence, et il réussit parfois à les innocenter. Deux programmes osent parler de la mort. On a With Love From Above, à nouveau une idée néerlandaise à offrir à un jeune homme malade d'un cancer incurable et mort depuis, de laisser des messages vidéo posthumes à ses proches qui forment le cœur de l'émission. Le plus déroutant est sans doute, nous dit l'article, Resurrection Makeover, émission japonaise pour laquelle un acteur qui porte un masque en latex réalisé sur photo incarne un mort que sa famille souhaite revoir. Ainsi, une veuve dont le mari est mort depuis 31 ans le voit se matérialiser devant sa porte et finalement chanter avec elle un karaoké. Eh boy! Côté insolite, comme c'était pas assez insolite, la drôle d'émission Mascot Mania, un succès au Danemark, filme des batailles absurdes entre les mascottes, des clubs sportifs, des candidats coincés dans d'énormes déguisements farfelus comme des peluches géantes qui, par exemple, doivent poursuivre des hommes tout nus. Plusieurs programmes mis sur les animaux avec l'étonnant Dogs Might Fly, émission britannique de dressage où 12 chiens secouristes passent des épreuves spectaculaires et même pilotent un avion. Le pilote lève les mains pour montrer que c'est bien le chien qui, avec ses pattes, tient le manche à balai. Donc, ce sont quelques émissions à l'international qui sont présentées au salon MIP TV de Cannes. Je crois qu'on en a d'autres. Oui, un article de la presse. Plus de 11 000 professionnels de la télévision se sont rassemblés ces derniers jours à Cannes pour discuter de l'avenir de l'industrie et vendre leur concept d'émission qui cartonne dans leur marché. Parlons de Génération Hashtag. Les conférenciers du MIP TV les surnomment la Génération Hashtag. Ce sont des jeunes qui publient sur Twitter des commentaires en moins de 140 caractères et qui se fient à ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux afin de choisir leurs vidéos et émissions. Selon Bain & Company, qui donnait une conférence, les jeunes hommes âgés de 15 à 25 ans ont fait de leur téléphone cellulaire leur nouvelle télé, avec plus des deux tiers qui écoutent des vidéos sur cette plateforme tous les jours. Le succès des producteurs dépendra à l'avenir de leur capacité à rejoindre ces nouveaux consommateurs. Parlons, tiens, un petit peu du Québec. Au Québec, comme bien d'autres marchés, les émissions les plus populaires de l'heure sont souvent des formats, c'est-à-dire des concepts parfois imaginés à l'étranger, comme Tout le monde en parle, ou encore La Voix, dont le succès est phénoménal. Le MIP TV s'est penché sur les ingrédients essentiels à l'exportabilité du bon format. D'abord, expliquons dans un document, il faut un titre puissant, simple et explicite, facile à comprendre et à se rappeler. Les concepteurs d'émissions doivent aussi bâtir des identités visuelles et sonores fortes et facilement reconnaissables, prévoir une construction dramatique qui génère du suspense et des émotions, et surtout se différencier de ce qui existe déjà sur le marché. Qu'est-ce qui attire l'attention cette année là-bas? Ben, on a parlé un petit peu tantôt, mais il y en a d'autres. Donc, les plus grands producteurs du monde entier étaient réunis pour parler de plusieurs choses. Le magazine spécialisé The Hollywood Reporter a effectué une compilation des émissions qui pourraient intéresser d'autres marchés. Kudam 56, Rebel with a Cause, par exemple, est présenté comme un madman allemand évoluant dans l'univers de la danse à Berlin dans les années 50. Wolf Creek, adapté d'une histoire culte australienne concernant des voyageurs backpackers, donc des voyageurs à sac à dos, pourrait aussi surfer sur les succès récents des titres comme The Walking Dead, Dexter et American Horror Story pour se tailler une place de choix, nous dit-on. Voilà, je crois que c'est assez pour le MIP TV. Il y en a vraiment plein d'autres. Il y a des émissions dramatiques, entre autres. Donc, on parle de plein de séries. C'est ça, sur assemblagerequis.com. Je vous laisse un lien qui porte le nom de quelles séries européennes deviendront des succès mondiaux. Maintenant, vraiment, on va ailleurs dans le monde pour des séries qui sont présentement en onde. L'Asie raffole, une série militaro-romantique. Des millions de téléspectateurs asiatiques se caleront dans leur fauteuil cette semaine, le cœur battant pour l'apothéose d'un feuilleton sud-coréen qui a notamment captivé le chef de la junte thaïlandaise et conduit les autorités de Pékin à prodiguer des conseils sentimentaux à leurs concitoyens. Les Descendants du Soleil, Descendants of the Sun, raconte l'histoire d'un capitaine de l'armée dépêché pour une mission de maintien de la paix dans un pays en guerre fictif, Uruk, où il tombe amoureux d'une chirurgienne employée par une ONG médicale. Ces deux jeunes stars font chavirer les cœurs dans toute la région, car si le feuilleton est en 6 épisodes réalisé d'impressionnants scores d'audience à domicile pour la chaîne KBS, c'est à l'étranger qu'il a véritablement cartonné. La série est saluée comme un signe de la renaissance de la Hallyu, la vague coréenne de K-pop et de K-drama qui a commencé à se répandre en Asie au début des années 2000. Elle est particulièrement populaire en Chine, où elle est diffusée en simultané par le site de streaming IQIY.com, qui affiche plus de 2 milliards de vues accumulées, et où elle est devenue le sujet numéro 1 de recherche et de discussion sur Weibo, le Twitter local. L'engouement de milliers de Chinoises souffrant de la maladie de Song Joong-ki a suscité une mise en garde ironique du ministère chinois de la Sécurité publique. Je cite, « En pourchassant des stars, hommes ou femmes, ne vous amourachez pas trop, car parfois, des paroles irréfléchies peuvent faire mal à ceux pour qui vous comptez vraiment. » À Singapour, Jermaine Lam explique que Song correspond au rêve de toutes les filles et est devenu accro en à peine 10 minutes et a regardé en 2 jours les 11 épisodes alors disponibles. Ouais, c'est ça. Donc, si je continue à regarder le K-drama, est-ce que je trouverai un mari acceptable, se demande une utilisatrice de Weibo qui se dit totalement amoureuse du personnage joué par Song Joong-ki. À Hong Kong, la série est diffusée sur ViuTV qui a également un portail internet. Les gens aiment la regarder sur leur téléphone intelligent en allant au travail. D'ordinaire, les séries sud-coréennes sont filmées au fur et à mesure pour permettre d'éventuelles corrections de tir en fonction de l'auditoire, mais celle-ci a été tournée en une seule fois afin de répondre aux exigences de la censure pour la première diffusion simultanée en Chine. C'était un gros risque, disent-ils. Aucun feuilleton dramatique préenregistré n'avait eu de succès jusqu'à maintenant. La censure a eu son mot à dire sur la version chinoise, où une scène de combat entre soldats nord et sud-coréens a disparu. Mais le préenregistrement a permis une importante campagne promotionnelle avec des bandes-annonces diffusées 3 mois avant. Les droits ont été vendus à 32 pays, dont les États-Unis, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Le succès s'appuie sur une recette qui a fait des K-dramas des produits d'exportation lucratifs, de séduisants premiers rôles, du mélodrame et de l'amour. Ce qui fait la différence cette fois-ci, disent les spécialistes, c'est l'actualité du scénario, son patriotisme optimiste et surtout le fait que ce K-drama ne soit pas trop coréen. Tout ça, citation ici. L'Asie a subi des dizaines de désastres naturels comme les tsunamis ou les séismes et la série diffuse un sentiment universel d'humanité. Et parce que ça se passe à l'étranger plutôt qu'en Corée, cela plaît à des audiences internationales. Tout ça a un coût, par contre. Chaque épisode de Descendants of the Sun s'est vendu en Chine 230 000 $, un record pour le K-drama dans ce pays, soit 8 fois plus que Mon amour venu des étoiles, qui était le succès de l'année 2014. La série génère une industrie à elle toute seule en Chine, les fans s'arrachant les cosmétiques, vêtements et accessoires portés par les acteurs, en particulier par l'actrice Song Ikyo, opportunément vendue par les services de commerce en ligne du même site que je mentionnais tantôt, T-A-E-K-Q-I-Y-I.com. La localité sud-coréenne de Taekbok ont été tournées les scènes de caserne ouvrent les décors au public à la demande de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, qui estime que ça fera bien du tourisme. Madame Park n'est pas la seule responsable politique à aimer la série. En Thaïlande, l'ex-chef de l'armée devenu premier ministre Prayut Chan-o-cha aime le sens du sacrifice, de l'obéissance et du devoir dépeint dans Descendants of the Sun. À ses yeux, le feuilleton n'a qu'un seul défaut. Sun Yong-ki est peut-être trop jeune et trop beau. Il dit dans la vraie vie, un capitaine doit supporter de lourds fardeaux et aurait l'air plus âgé. Netflix maintenant s'attaque au contournement des restrictions géographiques. On a parlé un petit peu de ça il y a quelques mois. Les abonnés canadiens au service de visionnement en ligne Netflix sont les seuls à ne pas pouvoir regarder la série Degrassi Next Class. Les clients africains ou turcs ne peuvent pas, quant à eux, profiter de la populaire série Orange is the New Black. La vidéothèque virtuelle de Netflix n'est pas la même partout dans le monde en raison des règlements sur le droit d'auteur et des restrictions sur les licences. Or, certains internautes ont trouvé le moyen de contourner les limitations géographiques en écoutant gratuitement les séries sur le web ou en utilisant un réseau privé virtuel qui peut amener Netflix à télécharger des séries et des films accessibles dans d'autres pays, dont les États-Unis, qui ont la plus grande sélection. Netflix a toutefois décidé de s'attaquer à ces pratiques des internautes qui franchissent des frontières virtuelles et ceux qui consomment ces contenus gratuitement alors que l'entreprise établit presque partout sur la planète, sauf en Chine, en Syrie et en Crimée. Netflix aurait embauché la firme Vauxbile qui aide les entreprises à protéger leur contenu original sur le web et à régler leurs problèmes de piratage. Dans les 4 derniers mois, Vauxbile a rempli plus de 350 avis de retrait à Google, selon Lumen, un groupe de recherche de l'université de Harvard. Ses avis demandent à Google de retirer les liens suspects de ses résultats de recherche. Ces requêtes ont ciblé plus de 96 000 liens, dont plusieurs abritaient du contenu de Netflix comme House of Cards et Making a Murderer, selon le rapport de la transparence de Google. Par ailleurs, l'entreprise veut aussi s'attaquer à ceux qui utilisent un réseau privé virtuel pour passer par-dessus les frontières virtuelles. Je cite, « Dans les prochaines semaines, ceux qui utilisent des intermédiaires et des outils de déblocage seront seulement capables d'accéder aux services dans le pays où ils sont en ce moment. » Donc, on a fait ces commentaires sur le blog de Netflix après que l'entreprise eut annoncé qu'elle s'étendrait dans 130 autres pays. C'est de ça qu'on parlait il y a quelques semaines. Netflix a trouvé un allié chez PayPal, une entreprise de paiement en ligne qui avait décidé de discontinuer le service pour quelques-uns de ses abonnés qui utilisaient un réseau privé virtuel. PayPal ne permet pas l'utilisation de ses services pour des transactions qui enfreignent le droit d'auteur et d'autres droits de propriété. Depuis son annonce, il semble que Netflix est arrivé à déjouer les stratégies de plusieurs fournisseurs de réseaux privés virtuels qui ont peine à répondre à leurs clients frustrés par la situation. Netflix espère toutefois éventuellement offrir le même contenu pour tous ses abonnés. Je cite, « Nous avons hâte de pouvoir offrir le même contenu partout afin de permettre aux abonnés du monde entier de profiter de tous les programmes diffusés par Netflix sans passer par un serveur proxy. C'est notre objectif et nous nous y employons activement. » Moi aussi, j'ai très hâte. Il y a plein d'émissions qui sont seulement aux États-Unis et qui sont plus rapidement dessus aussi. Il faut tout le temps attendre plus que les autres au Canada. Dommage. Parlant de Netflix... Netflix va augmenter ses tarifs pour des millions d'abonnés le mois prochain. La période de grâce profitant aux abonnés de longue date de Netflix est sur le point de se terminer. Si vous étiez abonné à Netflix depuis plus de 2 ans, attendez-vous à ce que votre facture mensuelle soit plus élevée à compter du mois prochain. Il va de soi que les initiatives ambitieuses de Netflix, comme les séries House of Cards, Jessica Jones, Daredevil et autres, lui demandent des investissements importants. Il n'est donc pas surprenant de voir... Le géant de la diffusion vidéo sur le web a augmenté ses prix. Ce changement n'est pas si simple à expliquer, nous dit branchez-vous.com. La réalité est que Netflix a implanté à 2 reprises des augmentations de tarifs par le passé et que ce sont seulement les abonnés de la première heure qui devront bientôt payer un peu plus pour leur service. En mai 2014, la mensualité de Netflix est passée de 7,99$ à 8,99$. Les internautes qui se sont abonnés à Netflix avant cette date sont alors devenus éligibles à ce que l'entreprise nomme la clause « grand-père ». Netflix a alors garanti que le tarif de 8$ allait être maintenu pour une période de 2 ans. Bien entendu, si vous avez regardé un calendrier, hein, vous savez qu'on est passé à 2 ans, qu'on va passer en fait à 2 ans le mois prochain. À noter que Netflix n'a jamais précisé que ces derniers allaient devoir payer 9$ par la suite. Au même moment, un nouveau forfait de base à 8$ a été introduit. Celui-ci était toutefois limité quant à la diffusion SD et sur un seul écran à la fois. En octobre 2015, Netflix a une fois de plus augmenté ses prix en dévoilant une nouvelle grille de tarification. L'offre s'est ainsi diversifiée, le forfait de base est demeuré à 8$, le forfait standard est passé de 9$ à 10$ et un nouveau forfait premium à 12$ permettant la diffusion en Ultra HD 4K sur un maximum de 4 écrans a été introduit. Encore une fois, les personnes abonnées au forfait standard de Netflix avant l'entrée en vigueur de ces tarifs ont obtenu la garantie qu'ils allaient continuer de payer 9$ par mois et l'entreprise a toutefois fixé la durée de cette période de grâce à 1 an. Il est important de souligner que seules les personnes inscrites après mai 2014, mais avant octobre 2015, se sont fait promettre une mensualité de 9$ pour le forfait standard. Cette deuxième vague d'utilisateurs bénéficiant de la clause grand-père verra leur facture augmenter en octobre 2016. Bref, si vous payez présentement 8 $ par mois pour le forfait standard, vous paierez 10 $ pour le même service le mois prochain, donc 2 $ de plus. Si par contre votre mensualité est à 9 $, elle va passer à 10 $, donc une augmentation d'1 $. Tout le monde va être égal à 10 $ pour le forfait standard à ce moment-là. Il est plutôt simple de savoir si votre compte fait l'objet d'une garantie de prix sur une durée définie. Rendez-vous dans les paramètres de votre compte et cliquez sur « Renseignements sur la facturation ». Un paragraphe concernant la garantie de tarif vous informera de l'échéance de celle-ci. Si vous voulez payer moins pour Netflix, vous pouvez regarder le tout en définition standard avec une seule personne à la fois pour le forfait à 8 $, mais pour vrai 2 $ de plus là. Pour autant de bon contenu, et c'est pas mal moins cher que le câble, donc non, je pense pas que ça vaille la peine de chialer tant que ça. Allons-y avec toujours sur Netflix qui s'offre les droits de la série policière Marcella. Netflix aurait acquis les droits de la populaire série Marcella, une série policière selon Deadline.com. C'est à partir de ce soir étant le 4 avril, donc on n'a pas fait d'émission la semaine passée, j'ai même pas dit en début d'émission, en plus j'étais pas là la semaine passée, j'étais en train de me faire enlever une dent, c'est ce qui fait que j'ai de la misère à parler cette semaine. Diffusée à partir de, donc récemment sur Royaume-Uni, la série de 8 épisodes sera par la suite disponible dans le monde entier sur Netflix à partir du 1er juillet. Les acteurs Anna Friel, qu'on connaît pour Sans Limites, Laura Carmichael de Downton Abbey, Nicholas Pinnock de Fortitude, Sinead Cusack de Jekyll and Hyde, ainsi que Harry Lloyd de Le Trône de Fer sont de la distribution. Marcella se penche sur la détective Marcella, campée par l'actrice Anna Friel, qui reprend son poste après 10 ans d'interruption. Elle est alors en pleine enquête sur le dossier de tueur en série. D'après Deadline.com, le programme aura un style s'approchant de celui des polars noirs scandinaves. Netflix fait la promotion de Friends en France avec des publicités sur YouTube quand même assez intéressantes. Friends est disponible sur Netflix aux États-Unis, au Canada depuis plus d'un an, mais les utilisateurs français viennent récemment de prendre l'accès, d'avoir accès à cette sitcom des années 90. Et cette expansion a mené à une campagne promotionnelle assez intelligente. Netflix a demandé les services de l'agence publicitaire Ogilvy Paris pour créer des publicités pre-roll qui vont... assembler les scènes de Friends à des recherches spécifiques sur YouTube. Donc, pour créer la campagne, Ogilvy a identifié plusieurs vidéos populaires sur YouTube, des sujets populaires, et les a accouplés avec des moments importants dans Friends. Donc, par exemple, la publicité de rouge à lèvres japonaise, la publicité japonaise de Joey, qui était en paire avec les didacticiels de beauté sur YouTube, alors que The Routine... a trouvé donc la vidéo de danse de Ross et Monica était couplée au vidéoclip de la chanson Hotline Bling de Drake. Donc on va regarder un petit extrait de ça. Tiens, ça me prend 2 secondes. Voilà. Friends was the most iconic show of the 90s. Friends était l'émission la plus connue des années 90. Everyone talked about Rachel's hair. Tout le monde parlait des cheveux de Rachel, cette chanson. And Joey's famous pick-up et les célèbres phrases de Joey. So how does Netflix Donc comment est-ce que Netflix a pu relancer une émission qui est terminée depuis 10 ans, alors que les gens regardent plein d'autres choses sur Netflix? Voici The Friendly Pre-Roll Campaign. La première campagne publicitaire qui répond aux vidéos que vous cherchez sur YouTube. Parce que peu importe ce que vous regardez, il y a quelque chose dans Friends qui a rapport avec ça. C'est pour ça que si vous cherchiez Cute Cats, on vous montrait Rachel avec son chat sans poils. Si vous cherchiez un didacticiel de maquillage, vous aviez Joey qui passait dans une publicité au Japon. Et si vous cherchiez Dance Moves, vous voyez Ross et Monica faire leur célèbre routine de danse. Nous avons édité des milliers de vidéos avec les meilleures recherches sur YouTube, mais on n'a pas arrêté là. On a même créé des pre-rolls quotidiens par rapport aux événements du monde, comme Hotline Bling de Drake. C'est une vidéo de Monica qui danse avec la chanson Bling par-dessus. Aidant Friends à devenir une émission à succès en France presque 10 ans plus tard. Tout ça avec une simple publicité avant les vidéos sur YouTube. Hein, n'est-ce pas une bonne idée tout ça? Moi, je trouve que oui. Donc, on était en plein Television. Il nous reste encore quelques petites nouvelles pour terminer ça, toujours sur Netflix. Melissa McCarthy va être finalement de la suite de Gilmore Girls. Melissa McCarthy a confirmé sur le plateau de Ellen DeGeneres qu'elle reprendrait son rôle de Suki St. James. Diffusé de 2000 à 2007, oui, sur WB puis sur The CW, Gilmore Girls raconte la relation privilégiée entre Lorelai, incarnée par Laura Graham, et sa fille de 16 ans, Rory, interprétée par Alexis Bledel, dans la petite ville de Stars Hollow, dans le Connecticut. Tout au long des 7 saisons, Melissa McCarthy a campé Suki St. James, la meilleure amie et associée de Lorelai. La suite de cette série culte a été commandée par la plateforme de vidéo à la demande Netflix, et contrairement à... contrairement à plein d'autres séries qui reviennent, celle-là, ça va être 4 téléfilms d'une durée d'1h30 environ. Melissa McCarthy retrouvera également Jackson Douglas qui a campé son époux à l'écran, Jackson, dans Gilmore Girls. La présence de l'actrice de 45 ans dans cette suite était incertaine compte tenu de son agenda chargé. Elle est en effet l'une des actrices principales de la nouvelle version de SOS Phantom, Ghostbusters. Elle est aussi dans le film La Patronne qui est sorti récemment la semaine passée. C'était plein sur Twitter que personne ne l'avait invité à participer. Mais finalement, c'est un malentendu. J'imagine que la créatrice avait contacté les mauvaises personnes. Le message s'était pas rendu. Finalement, ils se sont entendus. La créatrice avait dit yeah, c'était un après-midi, m'a écrit 2-3 phrases, hein, puis viens, ça va être super facile. Ils ont réussi à s'entendre. On sait pas si ça va être un gros rôle, mais quand même, à 4 fois 1h30, il risque d'avoir de la place pour elle, pas mal. On va sur Amazon pour terminer avec un redémarrage de The Tick. C'est l'humoriste britannique Peter Serafinowicz qui va être la vedette de cette émission sur Amazon dont on parlait il y a 2 semaines. Donc c'est une vedette de Shaun of the Dead qui va ramener The Tick à la vie. Peter Serafinowicz, acteur britannique qui a joué à la télé aux États-Unis entre autres dans Archer, le dessin animé, Running Wild, la sitcom, ainsi que Parks and Recreation, une autre sitcom, va jouer le personnage qui combat le crime dans cette série sur Amazon annoncée précédemment selon Deadline. The Tick sur Amazon est écrit et produit exécutivement par Ben Edlund, créateur de la série animée de 1994 et la série avec des humains avec Patrick Warburton, entre autres, en 2001 sur Fox. Dans cette plus récente incarnation, The Tick souffre d'un peu d'amnésie et se réunit plus tard avec son collègue Arthur, joué par Griffin Newman, qu'on connaît pour la série Vinyl, qui joue en ce moment à super écran, entre autres. Valerie Curry de The Following est aussi dans cette émission. Elle va jouer la sœur de Arthur qui s'appelle Dot. Donc allez voir les photos pour en connaître plus sur The Tick et Peter Serafinowicz. Voilà pour Television. Continuons avec les codes d'écoute pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Au Québec, position 15 à 6 en rafale. La Voix, les enfants de la télé, La Pause d'or, Rupture, Vlog, Mémoire vive, Au secours de Béatrice, Accès illimité, tout le monde en parle et hop, en 5e LOL, 4e Les Beaux Malaises, Meilleur Moment, 3e Yamaska, 2e Unité 9 et en première place avec 2 685 000 La Voix. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, The Amazing Race, Supergirl, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Grey's Anatomy, Lucifer, Blind Spot, CTV Evening News, Hawaii Five-O, The Flash et Blue Bloods. En 5e, NCIS Los Angeles. En 4e, Criminal Minds, Beyond Borders. En 3e, Survivor. En 2e, Criminal Minds. Et en première avec 4 251 000, c'est The Big Bang Theory. Voilà, c'est tout pour Television pour vrai. Maintenant, on retourne en chiptune avant de passer à la chronique de Samuel Girard qui s'en vient avec The Gamer à un autre. Je propose l'artiste Brink et voici Amstrad Hard Bass. MPS, le Mathieu Plante Show sur Cifu. We'll be right back. C'est à pour l'écouter. 89.1. De retour, Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et maintenant, c'est le moment d'accueillir... Enfin de retour, parce qu'il était pas avec nous la semaine passée, parce que j'étais pas là la semaine passée non plus, puis on en reparlera dans deux secondes avec lui. Donc, il est là. Il va être là pour deux semaines de suite en plus. C'est Samuel Girard, et d'un gamer à un autre. Have a winner, c'est Samuel Girard. Tu levais les bras des ordres, que t'avais l'air de gagnant là, au combat de match de blit de boxe de... Non, mais c'est quand que t'as dit que je revenais la semaine prochaine aussi, je fais... Oui! Yeah! Deux semaines de suite, non mais c'est le fun parce que c'est ça, la semaine passée, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, subtilement, j'étais chez le dentiste me faire enlever une dent. Oui. Fait que là, j'ai une dent en moins et mes palettes ont changé de forme et ça me donne de la difficulté à parler longtemps. Et ça se comprend un petit peu, hein, que c'est difficile d'animer dans ce temps-là. Une drôle de complication, mais ça fait un petit défi, puis j'ai besoin de défis, tu sais. Ben, c'est bien. T'es dans vie. Donc, bon, à toi, l'important, c'est toi, en ce moment, comment tu vas, Samuel Girard? Ben, écoute, ça va très bien. Ouais. J'ai un bon rush, là, cette semaine. C'est assez incroyable, tout ce qu'on me demande de faire en peu de temps. Donc, avec le travail, avec la maîtrise, bon, les dates limites qui approchent, toutes ces choses-là, ça fait partie de la vie. Ouais, mais t'as moins de temps pour streamer, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un problème. Il stream sur Twitch. Je stream sur Twitch. Est-ce que tu vas streamer sur YouTube Connect et les autres services? Non. Twitch me satisfait amplement comme service. J'ai un bon auditoire. Je développe des bons liens avec d'autres streamers québécois. C'est vraiment plaisant. Donc, je vais m'en tenir à ça. On te suit sur twitch.tv/acegamersam. C'est en plein ça. Yes. Donc, sur la trame sonore de Mike Tyson's Punch Out. C'est ta chronique de cette semaine d'un gamer à un autre. De quoi est-ce qu'on parle? LAN ETS et trucs comme ça? Oui, en deux volets. Okay. Je vais commencer avec le LAN ETS. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Oh. Ben, LAN, je me dis comme un LAN party, des gens qui jouent ensemble. C'est ça. Déjà, c'est un bon début. Donc, déjà, un LAN, c'est l'aptitude à brancher plein d'ordinateurs ensemble ou même. Un local area network. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, ça perd un peu de popularité. Avec maintenant les networks qui sont mondiaux, t'es capable de chez vous de jouer avec n'importe qui. T'as pas besoin de te brancher avec un fil sur un c'est routeur. Ça. Mais avant que ça devienne vraiment performant ces networks-là, ben on avait justement des LAN parties où les gens portaient leur ordinateur, ils branchaient leur tour. Oui, avec il y avait des racks à tour pour les tenir sur son dos. C'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Les gens étaient motivés vraiment pour ça faire des parties en ligne ensemble avec leurs amis. Donc ça c'est vraiment bien. Tu touches les parties ensemble avec leurs amis. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai mal entendu, c'est pas ça. Ah, ça, c'est correct. C'est là-dedans, c'est ça? Ouais. C'est là-dedans. Je t'entends mal, j'ai une dent. Ouais, t'as une dent. T'as une dent contre toi. Il manque une dent. Ah, mais ça, une dent contre toi. Oh! On est revenu à notre complicité évidente, là. C'est bien. Non, ça se reprend vite, je trouve. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, le LAN ETS, c'est quoi? C'est un LAN qui va avoir lieu à l'ETS. Ah, l'école des technologies supérieures à Montréal. C'est ça, j'allais dire, ouais. C'est ça. Donc, c'est du 15 au 17 avril. Les gens, c'est ouvert au public. C'est en fin de semaine, ça? Oui, c'est en fin de semaine. C'est pour ça que j'en parle là. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, les gens qui s'intéressent à ça, vous pouvez y aller. Là, pour la partie LAN, je sais pas comment ça fonctionne pour les participants, les tournois de jeux en ligne. Donc, ceux qui vont avoir du League of Legends, il va avoir tout plein aussi de jeux first-person shooter, qui des compétitions. Bon, ça va être grandiose. Et on va se dire probablement que les places sont toutes prises de toute façon. Rendu là, je pense que oui. Mais comme spectateur, par exemple, allez vous amuser. Moi, dans mon cas, c'est difficile sur Twitch, okay. Sur plusieurs médias aussi. Donc, je me suis dit, je vais regarder ça, moi, en fin de semaine. Et finalement, ben, il y a justement des inconnus sur Twitch qui me suivent, qui ont dit, non, tu vas venir. Finalement, je m'en vais le samedi. Ah ben! Déjà, ton horaire chargé, il va être encore plus chargé. C'est ça. Ça, c'est... Fait que, c'est l'histoire ça, de ta vie. C'est l'histoire de ma vie. Donc, ben, de toute façon, j'avais rien samedi. Bon. Hein. OK? J'aurais regardé ça chez nous. Bon. Donc, à la place, je vais regarder ça sur place. Tout le monde est content. C'est ça. Donc, évidemment, moi, je suis pas un fan de LAN Party. Surtout pas les jeux qui sont joués là. Donc, c'est des jeux, des MMO. Donc, des Massive Multiplayer Online. Oui, je vais le dire comme du monde. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de jeux de ça. Moi, c'est moins ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo. Et c'est là qu'on m'a parlé d'une autre branche qu'il va avoir, qui est le No Reset Speedrun. Ah. Oui, donc c'est un autre volet où là, c'est tout le temps, donc ils ont rempli l'horaire au complet, et c'est des gens qui vont aller présenter des speedruns, pour faire des jeux le plus rapidement possible. Sans reset veut dire, tu peux pas recommencer au début pour resetter le timer. C'est ça, c'est okay. ça. Non, parce que si, exemple, tu te réserves une heure pour jouer à un jeu, ben après ton une heure, il y a un autre joueur qui embarque sur un autre jeu. Même si c'est pas fini. Ben, il tolère quelques minutes, okay. mais je veux dire, si un moment donné, il y a de quoi qui arrive, puis tu peux pas recommencer, là. Ouais. OK? C'est faut que tu le fasses d'un coup. OK? En plus, cet événement-là, ce que j'aime, puis c'est pour ça, en fait, que je vais y aller, c'est le No Reset pour l'autisme. Ah, cool. C'est ça. Donc, ils vont ramasser des fonds pour venir en aide à une fondation qui aide pour les gens qui sont pris avec ça, là, c'est ça. Donc, ça affecte des familles, ça affecte des gens. Évidemment, un support, c'est toujours apprécié. Et justement, un événement comme ça permet de ramasser des fonds pour ça, et c'est rendu comme un peu ma façon. Ça fait longtemps que je regarde les différentes fondations, des fondations qui me tiennent à cœur plus que d'autres. Et je sais pas, des fois, je me dis que j'ai de la misère à embarquer. Mais je trouve que de jumeler les jeux vidéo avec ça, c'est une belle manière de faire ça. Ouais. Et justement, une des choses sur Twitch que je veux faire quand je vais m'être bâti un meilleur auditoire, je veux faire ça éventuellement, faire des marathons de streaming puis de m'associer à une cause comme ça. Je le fais déjà pour plusieurs choses où je suis spectateur et je donne de l'argent. Ouais. J'en profite. Donc, justement, mon petit budget pour des causes qui me tiennent à cœur, là, je passe ça là-dedans. Et là, si je peux moi-même participer pour une cause, ce serait parfait. Donc là, je vais aller voir ça, puis peut-être que ça me donnait le goût les autres années aussi de peut-être participer à un futur LAN ETS pour bien. Le No Reset, vu que ça a l'air que maintenant, je fais ça des speedruns. Apparemment, oui. Apparemment, oui. C'est pas mal, en fait. Ça fait pas mal des choses sur Twitch. Ouais, ça en passe des affaires. Ça en passe, vraiment. C'est ça. Puis en journée avec du monde, des fois, ils te craignent sur des choses que tu pensais pas faire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner, mais je vais aller faire mon tour. Je vais aller voir ça a l'air de quoi comme événement. Je vais rencontrer plein de monde, et là, il y a plein de gens qui me suivent sur Twitch qui ont dit « Hey, on va se voir là! » Fait que je vais peut-être rencontrer du nouveau monde. Dans que d'habitude, vie, ouais. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que à quelque part, on s'est déjà vu parce qu'on stream tout avec nos webcams. Oui, la face est là dans le coin. La face est là, donc on s'est tous vus. Mais pas, on se connaît pas en personne. Ouais. Fait que c'est ça. Pas en ça... bas des épaules. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça, ça devrait être intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais aller faire un petit tour, j'ai jamais été à l'ETS. Ah, en plus. Première fois à tout et c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine. Donc peut-être que la semaine prochaine à la chronique, je vais pouvoir te faire un petit compte-rendu de comment j'ai trouvé ça. Excellente idée. C'est ça. Donc comme je vous dis, les gens qui s'intéressent à ça, ben il y a l'événement Facebook, il y a la page Facebook LANETS et il y a le site web lanets.ca. Et ça nous dit ici, comme par exemple le compteur que j'ai actuellement, là, ça commence dans 50 heures. Ah bon? C'est écrit là. C'est comment, c'est le stress en marque. Oh oui, oh oui, là, eux autres sont déjà dedans. Là. RDS va couvrir ça. Ah, pour vrai? RDS ouais, 14 pour le... ou... Non. Le premier? Non, mais ils ont les émissions de e-sport. Ah, ouais, donc ça va sûrement être RDS 2, je crois. Cool. Donc c'est ça. Donc ils vont être présents, couvrir le e-sport qui va avoir là. Et il va y avoir Ubisoft qui va être présent, présenter des choses, présenter des nouveaux jeux. Ouais. Il y a des ligues aussi de professionnels qui se font pour des jeux comme Counter-Strike, Call of Duty, ces choses-là. J'ai vu qu'il y a des gens qui vont être là à des kiosques, rencontrer les fans, parler avec le monde, faire des conférences. Écoute, c'est fantastique. De tout pour tous les goûts. C'est ça. Donc moi, je vais être du côté des speedruns. Mais tu peux te promener un peu. C'est sûr que je vais me promener un peu, mais je vais me tenir du côté des speedruns parce que c'est beaucoup de rétro gaming qui est présenté là pour les speedruns. Donc c'est sûr que moi ça m'intéresse. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, ça va faire une belle transition avec l'autre volet de ma chronique que je veux faire. Parce que tant qu'à parler de speedrun et de gens qui font des choses exceptionnelles sur Twitch et qui s'associent à des causes comme ça pour présenter leur talent, ben je me suis dit, pourquoi ne pas parler des défis étranges qui se font dans les jeux vidéo? OK? J'ai abordé des sujets similaires un petit peu en parlant... C'était quoi que j'avais parlé, donc? J'avais déjà parlé de speedrun, entre autres. Et j'avais parlé aussi de gens qui glitchent des jeux pour arriver à certains buts. Donc, c'est ça. Donc, si je te dis, est-ce que... Parce que pendant qu'on écoute Mike Tyson's Punch-Out et les autres Punch-Out qui sont sortis après... pour la trame sonore. Est-ce que tu t'es déjà imaginé faire ce jeu-là les yeux bandés? J'ai de la misère à jouer sans les yeux bandés. Moi aussi. On est deux. Ouais. C'est ça. Mais sache qu'il y a des gens maintenant qui font ce jeu-là. Ils se mettent un bandeau sur les yeux puis ils finissent le jeu. Et c'est si beau avec les si beaux graphiques. Tu manques tout ça. Si manques les ouais, yeux. C'est ça. Non, mais écoute, là, c'est hallucinant. Là, puis maintenant, il faut entendre les sons pour se coordonner c'est les mouvements. Tout, c'est toutes des cues sonores. T'as pas le choix. Super Mario 64, des étoiles, les yeux bandés. Non. Et pourtant, il y en a qui font ça. Ils rentrent dans... Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se placent devant le tableau, ils se bandent les yeux, sautent dans le tableau, puis ils vont chercher une étoile en particulier. D'accord. T'as vu aussi sur Mario 64, c'est celui où t'as pas le droit de sauter? Oui! Oui! C'est pas loin de toucher au bouton A. Fait qu'il tombe en bas des pentes, saute sans faire exprès sur un ennemi qui vient. Ça prend comme des années avant que l'ennemi arrive devant toi pour que tu puisses faire le saut pour pouvoir aller à l'autre endroit. C'est ça. Il y a même des. Comme je pense que celle la plus impressionnante que j'ai vue, c'était sur Bob-omb Battlefield, le premier tableau en 1964. Il y a une île sur laquelle il va aller chercher l'étoile. Oui. C'est ça qu'il monte, sur des Goombas, je pense, comme une échelle. Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'il trouve une manière de faire apparaître les Goombas dans le vide. Oui, là. Avec un glitch. C'est ça. Il y a une manipulation à faire que tu peux comme manipuler le sprite quand il disparaît, le Goomba. Mais il y a moyen de le manipuler pour qu'il disparaisse pas de l'écran. Ouais. Puis tu peux le transporter dans le vide. C'est ridicule. Puis ça prend des heures et des heures et des jours probablement faire ça. Puis Non, celui que j'ai vu le faisait en 8 minutes. Ok, parce qu'il l'accélère sur YouTube. Quand je l'ai vu, il montrait en accéléré parce que c'était trop long. C'était peut-être ça. c'est effectivement le 8 minutes, c'est avec des séquences accélérées. Mm. Mais même là, je pense que c'est une demi-heure, 45 minutes. Ça reste vraiment impressionnant pareil. C'est sûr. Ouais. Mais écoute, imagine, là, on est rendu avec des gens qui font ça les yeux bandés sans toucher un bouton. Qu'est-ce que j'ai vu aussi les Super Mario Bros. Il y a sans mourir, tous les défis sans mourir, n'importe quel jeu. J'ai même vu Super Mario Bros. 3, quelqu'un qui m'a dit sans se faire toucher. Wow. Ouais, t'as pas envie de te faire toucher en faisant le tour par les 8 mondes pour reprendre de flûte. C'est beaucoup, 8 mondes. 8 mondes sans se faire toucher, donc t'as pas même pas le droit de perdre un power-up. Hein. Et les tableaux qui avancent seuls, c'est encore plus difficile. Les tableaux dans l'eau, c'est encore plus difficile. Effectivement. Il y a plein de défis. Ouais, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est des défis que le monde se lance. Si je te dis... Il y en a, c'est One Player, Two Controllers. Donc, un jeu, normalement, qui se joue en mode coopératif. Mm-hmm. Disney a fait d'excellents jeux au Sega Genesis, au NES et au SNES. Là-dessus, beaucoup de jeux avec Mickey Mouse, mm-hmm. qui se faisaient que chaque joueur pouvait contrôler un personnage, puis tu t'entraides dans le jeu pour progresser. Ben là, t'as quelqu'un qui met les deux manettes sur lui, puis il joue les deux personnages en même temps. Ah, OK. Ouais. Parce que sinon, tu pourrais avoir deux personnes sur une même manette. Il y en a qui contrôlent le saut. Puis ça, c'est un autre type de défi. Là, c'est two player, one controller. Oh boy. Chacun tient avec une main. Ils ont chacun leur bouton. Puis ils font des jeux comme Mario Kart. Mm-hmm. J'ai vu Super Metroid. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, ça, c'est d'autres types de défis que les gens se lancent. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est difficile. Mais c'est ça. Mais quelqu'un que j'ai vu Secret of Mana ou Super Nintendo avec le même joueur qui contrôle deux manettes, donc deux personnages. Donc ça c'est impressionnant. Moi je m'aligne faire ça pour World of Illusion starring Mickey Mouse et Donald Duck. Ah c'est cool ce jeu là C'est ça. Donc ça je veux faire ça avec contrôler les deux personnages, Mickey et Donald, avec deux manettes. Fait que ça je vais laisser. Je vais me pratiquer bientôt pour faire ça. J'ai vu aussi deux jeux, une manette. Ok. Ouais. Exemple, quelqu'un qui fait Pokémon rouge et Pokémon bleu. Mais ta manette, quand tu te flèches d'en haut, dans tes deux émulateurs, le personnage y monte. Ouais. Faut que tu fasses le tour du jeu comme ça. Et le jeu est aucunement pareil. Ben oui, le jeu est similaire à Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Mais les batailles en tant que telles. Mais c'est parce qu'il y a tellement de facteurs hasard. Tu te promènes dans du gazon, tu peux pogner un combat, l'autre jeu en pognera pas. Ok. Tu sais, c'est ça, il y a tellement de... Il y a pas ça du RNG, donc du Random... Random Number Generator. Okay. Donc c'est ça, donc c'est du hasard qui fait en sorte que tu peux avoir un critical hit, avec un coup critique dans les combats. Tes Pokémon n'ont pas toutes la même force. Tu captureras pas tout le temps le Pokémon avec le même nombre de Pokéballs. Il y a toutes sortes de facteurs comme ça qui font en sorte que, à un moment donné, t'es plus synchro sur tes deux jeux. Il faut que tu gères ça. Mm-hmm. Et des fois, tu peux te coincer toi-même. J'ai vu quelqu'un, à un moment donné, il restait... Dans chaque jeu, il restait une potion. OK? Puis là, dans un des deux jeux, exemple Pokémon Rouge, faut absolument qu'il utilise la potion parce que son Pokémon, il va être battu le prochain tour. Sauf que là, il se ramasse sur le même menu en même temps dans les deux jeux. Fait que là, s'il veut aller chercher la potion dans Pokémon Rouge... Ben en même temps, dans Pokémon Bleu, il va aussi chercher la potion. Les gaspilles, dans le menu. Pas besoin. Mais dans Pokémon Bleu, il n'a pas de besoin, puis c'est sa dernière. Oh. Là, whoop, hey, dis à ta minute, là. C'est parce que dans un jeu, je n'ai de besoin, sinon, ça s'arrête là. Puis dans l'autre jeu, je la gaspille. Fait que si je n'ai de besoin plus tard, je l'aurai plus. Eh. Pas le choix. Mais c'est ça. C'est ça. Mais tu vois le genre de défi que ça amène. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de jeux aussi que j'ai vu. J'ai vu des reverse boss, donc jouer à des jeux de Zelda. Ouais. OK. Puis Link doit battre les boss du jeu dans l'ordre inverse de ce que c'est supposé. Comment tu fais ça? Tu glitches le jeu. OK, ben oui. C'est ça. Tu commences par la fin. C'est ça. Ouais. Donc, il y a des manières de sauter des parties du jeu, de passer à travers des murs, puis d'apparaître dans d'autres zones que tu es juste supposé avoir accès plus tard. Mm-hmm. Puis ça fait en sorte qu'il y a certains jeux où tu peux partir du dernier boss, puis revenir au premier. Je trouve ça assez hallucinant, ceux qui ont trouvé ça. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Pokémon Bleu, les 151 Pokémon, en 2 heures. Shit, OK. Ouais. Et tout le long, tout ce que le gars fait, c'est qu'il manipule des variables dans le jeu pour se téléporter dans des zones et faire apparaître des Pokémon, même des Pokémon qu'il n'y a pas dans le jeu. Okay. Qui sont en version exclusive à Rouge, mais il a réussi à les faire apparaître. Dans les cassettes sont là quand même. Genre. C'est ça, les données sont là, mais les concepteurs les ont juste pas mis disponibles dans des combats. Mais vu que les données sont là, ils sont capables de manipuler le jeu pour les générer pareil. Qui dépasse le nombre qu'il y aurait dans le jeu en tant que tel de Pokémon. C'est ça. Ouais. Donc c'est une manière de fonctionner, je trouve ça vraiment impressionnant ceux qui ont pensé à ça. Mais le jeu, de la manière qu'il est fait, c'est qu'il est capable de... Il fait un empilement de variables. Donc si tu prends une variable pour un Pokémon donné, ben normalement, l'événement d'après devrait t'amener le Pokémon qui suit dans la variable suivante. Exemple, Mew, le Pokémon qu'on peut pas avoir normalement, ben lui, sa variable suit la variable du Slowpoke. Okay. Donc, si tu fais un combat contre un Slowpoke, eh ben la variable qui suit, c'est la variable pour générer Mew. Mais Mew, il y a rien dans le jeu qui permet de générer cette variable-là un coup que le curseur est rendu vis-à-vis. Ben il y en a que par des bugs du jeu... sont capables de faire générer cette variable-là. Donc, ils vont battre un Slowpoke. Puis là, ils font un événement dans le jeu que le jeu, normalement, peut pas générer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand tu arrives devant un dresseur, comme un point d'exclamation qui apparaît, ouais. Puis le dresseur avance vers toi, puis le combat commence. Mais il y a un pixel entre le temps que le point d'exclamation avance et tu peux faire Start sur ton menu. Et si tu t'échappes... avec, mettons, en faisant fly, fait que là, tu t'envoles, t'évites le combat. Mais là, le jeu vient de tomber en soft lock. Okay. Donc là, il est barré. Mais là, lui, qu'est-ce que le jeu veut faire pour s'en sortir? C'est générer la variable suivante. Mais si qu'est-ce que t'as fait, c'est de battre un slowpoke avant, ben la variable suivante, c'est un combat contre Mew. Wow. Puis là, quand ton jeu essaie de se débarrer, ben il part un combat contre Mew pour débarrer le jeu. Ça fait que c'est tout comme ça qu'ils ont fait. C'est intelligent, c'est songé pas mal. Ben c'est ouais. Ça, mais c'est, écoute, ça a pris des gens qui ont vraiment analysé d'un bout à l'autre chaque ligne du code. Ouais, comment du le jeu est monté, ouais. Donc ça amène toutes sortes de défis intéressants qu'on trouve sur Internet, des communautés pour optimiser ces choses-là et chercher d'autres choses. Puis c'est incroyable là, quand on se dit que même aujourd'hui, on prend des jeux des années 80-90 et on découvre encore des choses ouais. Du genre. Justement, il n'y a pas eu un glitch sur. Pas un glitch, mais une découverte dans Punch-Out qui a été trouvée récemment? Je pense que ça? Oui, j'ai vu ça passer. T'as un peu, je pense que j'ai là quelque part. Ben, si tu l'as, je veux le savoir parce que j'ai vu l'article passer, mais j'ai pas eu le temps d'aller le lire. Ouais. Je te le cherche pendant que tu continues. Ben, c'est correct, ça. Donc, pour Pokémon, c'est le genre de défi qui existe. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? J'ai vu des jeux aussi où on accélère le gameplay. Donc, des jeux où il faut contrôler les sauts. Prends exemple, mettons Donkey Kong Country. Mm-hmm. Okay? C'est un jeu de plateforme, faut que tu maîtrises tes sauts, faut que tu sautes d'une plateforme à l'autre, faut que tu évites des ennemis. Ben, imagine quelqu'un qui est capable de faire rouler le jeu x1.5 okay. De sa vitesse. Mais il y en a qui se font des speedruns comme ça. Pourquoi faut pas? Encore plus de défis. Ben oui, faut que tu sois rapide. Écoute, j'ai regardé quelqu'un jouer et j'ai dit, je m'excuse, là, mais j'ai de la misère à voir à l'œil nu qu'est-ce qui se passe. C'est un flou devant toi. Ça va vite, puis les ennemis arrivent vite, puis. J'ai comme « wow ». Ça, c'est d'autres genres de défis que les gens se lancent. Il y a les ROM hacks, les gens qui font des hacks plus difficiles de des jeux. Comme moi, dans mon cas, j'ai terminé Super Mario 64 Kaizo. T'as enfin réussi à le finir. Ça a pris combien de temps de finir Kaizo? Ça m'a pris, attends, je l'ai calculé, avec des save states, ça m'a pris 20-22 heures. Save states, c'est des places où tu peux mettre des points où tu peux retourner. Points de sauvegarde, je peux juste reprendre ouais. À ce point-là si j'ai raté mon coup. Ouais. C'est ça. Mais là, je suis en train de le pratiquer pour éliminer. Des sauvegardes comme ça. Des sauvegardes, pas les sauvegardes. Ben non, mais j'y vais tranquillement. Ouais, c'est ça. J'en élimine de plus en plus. Ouais. Et mon objectif, c'est qu'éventuellement, il en reste plus. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Et ça s'améliore. Ouais. Ça s'améliore. Je commence à réussir pas mal plus de trucs que je trouvais impossible. Puis maintenant, comme l'autre jour, il y a une des. Tu sais, quand j'escalade. L'as-tu vu quand j'escalade vraiment haut là, dans le deuxième niveau? Pas sûr d'avoir vu celle-là, non. Ok, ben dans Worms Fortress, normalement, il y a une tour dans laquelle il faut aller chercher une étoile en haut de la tour. Ouais. Mais là, dans ce jeu-là, ils ont décidé qu'en haut de la tour, il n'y a pas l'étoile. Mais là, ils ont rajouté plein de blocs, de ponts qui tombent, de canons, puis ça monte, mais ça monte, puis ça arrête pas. Puis ça, là, ça m'a pris une heure. Puis même si je me faisais plein de points de sauvegarde, à chaque fois que je réussissais un bloc de plus, ouais. Là, ça m'a pris une heure à aller chercher l'étoile. Et l'autre jour, je l'ai réussi deux fois de suite, wow. Sans utiliser de sauvegarde. Ça, c'est plaisant. Il faut que tu sais que tu sais que t'es capable. Là. Ben, c'est de la précision. Il ouais. Faut être vraiment précis dans chaque déplacement que je fais. Faut que je maîtrise ça à la perfection. Puis là, je commence à l'avoir là, de plus en plus. Tu fais quelle manette? Une manette de 64. Branche en USB? Ouais. Okay. Par USB après ça, puis je branche dans mon ordi. Ouais. Fait qu'au moins, j'ai la manette de la console. C'est ça. Parce qu'on a déjà parlé de ça à l'émission, je crois, mais sur la Wii U, il y a la console virtuelle. Oui, c'est ça. Puis tu joues à des jeux de Nintendo 64 avec la manette de la GameCube, ça marche pas. Ben oui, ça marche, ben, mais c'est pas pareil, c'est pas aussi exact. C'est ça, je voulais avoir la manette de Nintendo 64. C'est ça. Donc, tu l'as-tu trouvé pour Punch-Out? Oui, Jean. Punch-Out, évidemment, jeu de 87 sur la NES, dont on écoute la trame sonore en ce moment. C'est un Redditor, donc un gars sur Reddit.com, qui s'appelle Midwestern Housewives, qui a découvert un petit Easter egg qui permet de battre, de mettre Piston Honda KO. Okay. En un seul coup dans le deuxième round, un exploit que les joueurs savaient possible mais sans savoir comment s'y prendre. Donc okay. Il faut regarder le spectateur barbu au premier rang dans la foule. Et lorsque celui-ci se baisse rapidement, il faut lancer un coup de poing qui va être fatal. Ce même indice fonctionne pendant l'attaque de Bald Bull dans le deuxième round. Donc un mystère, énigme résolue pour les passionnés de retro gaming, nous dit Wow, ouais. Hey, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Barbu dans la foule. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plein de monde dans la foule, il fallait observer le barbu. Le barbu. Hey, c'est bien ça. Ça a été découvert là, récemment. C'est bon. Pour conclure, donc les gens qui s'intéressent à ce genre de défi-là, la meilleure manière de fonctionner, premièrement, chercher sur Internet, chercher sur YouTube, chercher sur Twitch. Okay? Sur Google, vous allez trouver des communautés. Exemple, vous voulez un jeu, puis regardez le genre de défi qui se fait, vous allez trouver plein de sites avec des communautés, des forums, de gens qui se partagent des trucs et qui se lancent des défis comme ça. Sinon, je vous invite à visiter le site speedruns.com. Oui. Donc ça, c'est le recueil de tous les speedrunners. C'est là-dessus que les gens mettent leur temps. Et pour un jeu spécifique, tu peux arriver et tu peux avoir 8 catégories différentes pour le jeu. Ouais, t'as des Tool Assisted Run, des pas Tool Assisted Run. C'est ça. Exemple, sur le 64, on va avoir le 0 étoile, le 1 étoile, le 16 étoile, le 66 étoile, le 120. On va avoir le Non-Stop Challenge, on va avoir le Kaizo. Y en a plein. OK, on va avoir les blindfold pour les étoiles, donc les yeux bandés. Y a plein de catégories et vous pouvez aller voir là-dessus c'est quoi les temps, la description des catégories parce qu'ils disent exactement pour que quelqu'un soit éligible à la catégorie, ils expliquent exactement c'est quoi. Et en plus sur ce site-là, les jeux qui sont faits, les gens mettent aussi des guides en document PDF sur comment étape par étape fonctionner. C'est le fun ça. Mais si tu veux battre le record toi-même, ben pas le record, mais le défi. Ouais, c'est ça. Comme exemple, Super Mario Bros. Au NES. Ouais. OK. Que le record du monde NES est de 4 minutes 57 et quelques poussières. Ben, il y a un document PDF qui explique pixel par pixel les déplacements que vous devez faire. Wow, et tous les trucs pour sauter plus vite d'un niveau à l'autre. Aye. Tout est expliqué en détail. Puis maintenant, il y a une communauté de gens qui essayent de battre le record mondial actuel détenu par Darbian, si vous cherchez sur Twitch. Puis lui-même, il dit j'ai le record du monde actuellement. Puis il dit je prédis qu'au printemps, il va avoir un nouveau record et ce sera sûrement plus moi qui va l'avoir. Parce qu'il rendait tellement de monde qui travaille là-dessus. Mais c'est bien parce que c'est lui qui a fait le guide. Puis il dit tout le temps au monde d'aller voir le guide, de regarder ses vidéos tutoriels sur YouTube. Il veut que le monde l'apprennent et essayent de battre son record. C'est cool, il encourage la nouvelle génération. Exactement. Puis j'aime ça parce que je vois personne qui est là. Puis non, c'est mon secret. Puis c'est moi. Non, tu veux que le monde embarque puis que ça développe le truc. Ouais. C'est ce que j'aime de la communauté des jeux vidéo. Donc c'est ça. Donc j'encourage à aller voir ça. Puis je vous rappelle encore une fois le LAN ETS vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est ça, il y a des billets disponibles comme spectateur, puis vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. C'est fantastique tout ça, Samuel Gérard, c'est fantastique. Fantastique. Sais-tu ce qui est encore plus fantastique? Quoi? C'est qu'on va te revoir la semaine prochaine pour une autre chronique, deux fois de suite. Yes! Là, ça va être trop pour tout le monde, je le sais, mais vous avez droit à ça parce qu'on n'a pas eu d'émission la semaine passée, puis t'étais pas là la semaine d'avant. Bref, on te retrouve, Samuel Gérard, à ton émission principale, c'est-à-dire Génie en Liberté, les jeudis matin à 9h30. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine édition? Et qu'est-ce qui s'en vient? Ben, il y a toujours question de politique américaine. Il va être question aussi beaucoup sur est-ce que le gouvernement québécois est si corrompu que ça? Parce qu'il y en a qui semblent dire que non. Mm-hmm. OK? C'est drôle, c'est les gens qui étaient en place dans l'ancien gouvernement. C'est pas grave. C'est ça. Sinon, on va parler encore une fois de commission scolaire. Le débat a été relancé avec des déclarations du ministre de l'Éducation. Donc, c'est ça, beaucoup de choses qui s'en viennent. J'essaie de voir encore un petit peu avec mes chroniqueurs, là, si j'en ai qui vont être là d'ici jeudi. Donc, c'est ça. En gros, ça va être beaucoup d'actualités, beaucoup de choses passionnantes et de bons débats à venir. Super, et ça continue pour le reste de la session printanière. Donc, Génie en Liberté, jeudi à 9h30. Et ça repasse les dimanches, samedi. À 10h du matin. On te retrouve aussi à Matière Noire les mardis soirs à partir de 21h. Exactement. Avec Alex Marchand. Et plein d'autres places comme ça sur cif.ca pour aller voir l'horaire. Et aussi sur Facebook. Samuel Gérard, merci beaucoup. Bye. On écoute la pièce qui est en train de jouer, c'est celle de Mike Tyson's Punch Out. La pièce s'appelle Bicycle Training. Et on revient dans quelques instants avec Merci Science, c'est ça. C'est fou. C'est fou. Undertale Remixed, l'album, sur l'étiquette Game Chops par Holder. Et la pièce s'appelle Bone Trousel. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On va en faire une grosse rafale, comme on était pour la semaine passée. En fait, maintenant, on va avoir du temps pour faire du CNX cet entour. Donc, on va essayer de faire le plus de choses possible dans le temps qui nous reste. Commençons par un contraceptif masculin de longue durée. Testé sur des lapins, Vassal Gel s'est révélé efficace jusqu'à 12 mois après son injection dans le canal déférent. Cette technique prometteuse de contrôle de la fertilité masculine qui bloque mécaniquement le passage des spermatozoïdes pourrait être commercialisée dans 2 ans. Chaque année dans le monde, surviendraient environ 85 millions de grossesses non désirées, la moitié donnant lieu à un avortement. Même si des méthodes de contraception existent, elles peuvent échouer pour différentes raisons. Oui, manque d'accessibilité aux médicaments, effets secondaires indésirables poussant les couples à chercher d'autres solutions. Chez l'homme, les principaux moyens de contraception existants sont le préservatif et la vasectomie, seule solution efficace à long terme. Mais la vasectomie présente un inconvénient. L'opération est quasiment irréversible. C'est pourquoi il existe aujourd'hui une demande pour une contraception masculine efficace et non hormonale. Une des cibles est le canal déférent qui transporte les spermatozoïdes de l'épididyme vers le canal éjaculateur. Dans cette optique, la fondation Parsemus aux États-Unis a développé Vasalgel, un polymère de haut poids moléculaire qui contient de l'acide maléique styrène, donc de l'acide SMA. Le principe est de bloquer le canal déférent avec cet hydrogel qui laisse passer les fluides mais pas les spermatozoïdes. L'hydrogel adhère au tissu, amplit la lumière du canal et agit comme une barrière mécanique. Son action est présentée comme réversible. Lors d'une étude décrite dans la revue Basic and Clinical Andrology, les chercheurs ont mesuré l'efficacité contraceptive du gel à deux concentrations. 15 lapins mâles ont reçu une injection bilatérale de Vasalgel à différentes doses. 3 sont décédés. Sur les 12 lapins restants, 11 n'avaient plus de spermatozoïdes dans leur sperme peu de temps après l'injection, ce qui est l'azoospermie. Le 12e avait un peu de spermatozoïdes, donc de l'oligospermie, avant d'être finalement considéré plus tard comme azoospermique. L'azoospermie était constatée dans les échantillons 29 à 36 jours après l'implantation et a une durée de 12 mois. Les deux concentrations testées ont efficacement empêché le passage des spermatozoïdes. L'injection du gel dans le canal déférent est rapide et simple et les essais sur l'animal montrent que l'effet est de longue durée. Les essais cliniques chez l'homme devraient commencer en 2016, d'après la fondation. Si tout se passe bien, le gel pourrait être commercialisé en 2018. Même s'il ne protège pas des MTS, il offrirait d'autres possibilités de contrôle des naissances. La fondation souhaite le proposer à un prix abordable pour le plus grand nombre de gens. Toujours en fertilité, la crème solaire serait-elle nocive pour les spermatozoïdes? Selon une étude danoise sur 29 filtres solaires autorisés en Europe et aux États-Unis, 13 perturberaient la mobilité des spermatozoïdes. En cause, les produits qui passent sous la peau, qui miment l'action de la progestérone, une hormone sexuelle féminine. Le niveau de toxicité reste inconnu, mais les chercheurs préconisent de mieux en étudier les effets. Présenté au dernier congrès de l'Endocrine Society qui vient de se tenir à Boston aux États-Unis, les résultats d'une étude danoise montrent un possible effet des crèmes solaires sur la fertilité masculine. L'équipe du professeur Niels Erik Skakabek de l'hôpital Rigshof Pitalette de l'Université de Copenhague au Danemark a testé 29 crèmes solaires anti-UV sur les 31 qu'autorisent l'Europe et les États-Unis. Les chercheurs ont placé des spermatozoïdes issus de donneurs sains dans une solution semblable à celle baignant les trompes de Fallope, là où a lieu la fécondation. Le but de l'étude était d'observer l'effet des filtres solaires sur ces spermatozoïdes et en particulier sur leur utilisation du calcium. La membrane de ces cellules mobiles est traversée par un canal appelé CATSPER pour cation channel of sperm, voilà, qui contrôle le passage du calcium. C'est en fait une protéine transmembranaire qui réagit notamment à la présence de progestérone. Le flux d'ions calcium qui en résulte augmente l'activité du flagelle du spermatozoïde et donc de ses vitesses de nage. Globalement, CATSPER est un des facteurs influençant la capacité de fertilisation de la cellule sexuelle mâle. Sur les 29 produits testés, 13 modifient le flux de calcium selon les chercheurs qui précisent que les doses actives sont très faibles, inférieures aux concentrations trouvées chez les personnes qui viennent de s'enduire de filtres solaires. Une étude antérieure réalisée aux États-Unis entre 2003 et 2004 avait montré que 97,8% des urines provenant de 2517 hommes contenaient de la benzophénone, une molécule protégeant les UV et utilisée dans des filtres solaires. Les produits incriminés ne sont donc pas les crèmes qui agissent par réflexion, mais celles qui pénètrent profondément dans la peau et donc dans le sang. Selon les chercheurs qui n'ont pas encore publié les résultats, pour 9 de ces 13 produits influençant le flux de calcium, l'effet direct sur la protéine CATSPER a été démontré. L'effet est le même que celui de la progestérone qui ouvre le canal. L'action de ces produits sur le spermatozoïde est donc celle d'un perturbateur endocrinien. Quelle est la conséquence finale sur la mobilité et plus précisément sur la fertilité? Les auteurs ne le savent pas, mais ils appellent à des essais cliniques pour vérifier l'effet de ces protections anti-UV, sans oublier bien sûr de rappeler les bénéfices incontestables qu'elles apportent. 13% d'humains obèses aujourd'hui, peut-être 20% en 2025. En plein essor dans le monde, l'obésité touche aujourd'hui près de 650 millions d'adultes, soit 13% de la population mondiale adulte. Un pourcentage qui pourrait atteindre 20% d'ici 2025 si le rythme de progression actuel de cette épidémie se maintient. Présentée comme l'une des plus complètes réalisées à ce jour sur le sujet, cette étude se fonde sur des données concernant quelques 19 millions de personnes âgées de 18 ans et plus vivant dans 186 pays. Par extrapolation, elle évalue le nombre d'obèses adultes à 641 millions en 2014, dont 375 millions de femmes et 266 millions d'hommes. En 1975, il n'était que 105 millions, une explosion liée notamment à une alimentation industrielle et trop riche, mais aussi à des prédispositions génétiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne est considérée comme obèse lorsque son indice de masse corporelle, donc IMC, qui correspond au rapport entre le poids et la taille, dépasse les 30 kg au mètre carré. Au-delà de 35, on parle d'obésité sévère. En 40 ans, l'IMC moyen est, selon l'étude, passé de 21,7 à 24,2 chez les hommes et de 22,1 à 24,4 chez les femmes adultes, soit une augmentation de poids de 1,5 kg tous les 10 ans en moyenne. Le pourcentage des obèses a triplé chez les hommes, passant de 3,2% en 1975 à 10,8% en 2014, et plus que doublé chez les femmes, passant de 6,4% à 14,9%, avec des disparités très importantes selon les pays. L'obésité constitue désormais un problème important de santé publique dans de nombreuses régions à revenus intermédiaires comme le Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et certains États d'Amérique du Sud ou des Caraïbes selon l'étude. Si l'IMC est resté globalement stable entre 1975 et 2014 chez les femmes japonaises et la plupart des femmes européennes, à l'exception notable des Britanniques, les 6 pays riches anglophones, donc l'Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, présentent des résultats nettement plus inquiétants. Ils accueillent aujourd'hui un cinquième des adultes obèses dans le monde, soit 118 millions de personnes et 27% des obèses sévères, soit 50 millions. La palme revient à la Polynésie et à la Micronésie des îles du Pacifique, où 38% des hommes et la moitié des femmes adultes sont obèses. Au Samoa américaine, dans le sud du Pacifique, l'IMC moyen culmine aujourd'hui à 34,8% des 34,8 chez les femmes et 32,2 chez les hommes adultes contre 28 aux États-Unis. Si les politiques de lutte contre l'obésité ne sont pas mises en œuvre rapidement dans le monde, des conséquences sanitaires d'une ampleur inconnue sont à craindre, a déclaré donc le professeur Ezzati à l'AFP. Il y a aussi le problème du sous-poids. Les informations sont sur assemblagerequis.com. Allons-y avec le café qui réduirait le risque de cancer colorectal. Café filtre, espresso, instantané ou décaféiné, peu importe la qualité du café, 2,5 tasses consommées chaque jour divise par 2 le risque de cancer colorectal. Selon une étude, la caféine ne serait pas le seul composé bénéfique. Pour mener leur recherche, les scientifiques de l'Université de Californie du Sud se sont intéressés à un groupe de 5145 personnes atteintes de cancer colorectal et un autre groupe de 4097 participants ne souffrant pas de cette maladie pour faire office de groupe témoin. Les personnes malades avaient été diagnostiquées au cours des 6 mois précédant l'étude. Des questionnaires et des entretiens à propos de la consommation de caféine de chacun ont permis d'établir la fréquence de leur absorption de café et aussi leur préparation, que ce soit donc espresso, instantané, décaféiné ou filtre. Et après avoir pris en compte d'autres facteurs de risque du cancer, l'étude a montré que même 1 à 2 tasses de café quotidienne pouvait réduire le risque de développer un cancer colorectal de 26%. Lorsque la consommation de café dépassait 2,5 tasses par jour, le risque pouvait baisser de 50%. Même si les niveaux de composants bénéfiques présents dans le café varient selon le type de grain de café, leur torréfaction et leur préparation de la boisson, les résultats ont montré que peu importait le type de café et de préparation choisie, même le café instantané produisait un effet bénéfique sur le corps. Bien que la caféine puisse jouer le rôle d'antioxydant et ainsi prévenir la survenue potentielle de cellules cancéreuses dans le côlon, les conclusions de l'étude ont aussi montré les bienfaits des préparations décaféinées. Donc on a besoin de mener de plus amples recherches avant de recommander la consommation de café comme mesure préventive. Et évidemment, il ne faut pas prendre ça pour de l'or. Une étude qui a été reprise quand même par la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Si le bois a été pendant un temps un peu délaissé au profit de matériaux réputés plus modernes, il semble opérer aujourd'hui un véritable retour en force naturelle, écologique, renouvelable, robuste et durable. Le bois avait déjà de quoi séduire, et si, grâce à des travaux menés par une équipe de chercheurs suédois, il devenait en plus transparent, voilà qui pourrait multiplier encore ses domaines d'application. Le bois est un matériau caractéristique remarquable, faible densité, faible conductivité thermique, grande ténacité, etc. De plus, il est plutôt bon marché, ce qui ne gâche rien par les temps qui courent et issu, ça c'est un article de Futura Science qui intègre des petits commentaires, et issu de ressources renouvelables que sont les arbres de nos forêts. Ceci explique sans doute pourquoi certains cherchent à fabriquer du plastique à partir du bois, et c'est pour ça que la Suède, un pays qui concentre à lui seul quelques 18% des forêts européennes, c'est pour ça qu'ils ont choisi d'investir dans un centre de recherche dédié au bois, le Wallenberg Wood Science Center. L'investissement pourrait d'ailleurs s'avérer payant puisque l'équipe de ce centre vient de mettre au point une technique permettant de rendre le bois transparent. De quoi entrevoir toutes sortes d'applications, parmi lesquelles notamment la fabrication de cellules solaires photovoltaïques ou même des vitres renouvelables. L'idée de développer un bois optiquement transparent n'est pas nouvelle. En effet, des études plus anciennes avaient déjà montré la possibilité de créer un papier transparent à 70%, notamment en diminuant le diamètre des fibres de cellulose jusqu'à l'échelle nanométrique. Cependant, les échantillons mis au point n'ont jamais vraiment dépassé le stade de l'expérimentation en laboratoire. Le projet porté par les chercheurs de la Wallenberg Wood Science Center, quant à lui, laisse espérer une utilisation de ce nouveau matériau à l'échelle industrielle. Pour arriver à leur fin, Les chercheurs ont eu l'idée d'appliquer d'appliquer au bois un procédé chimique visant à en éliminer la lignine, l'un de ses principaux constituants. C'est elle qui est largement responsable de l'opacité du bois. Une fois la lignine éliminée, le bois devient magnifiquement blanc. Ne restait plus ensuite qu'à faire subir à ce bois quelques traitements à l'échelle nanométrique. On a par exemple ajouté un polymère transparent, le métacrylate de méthyle, qui entre notamment dans la formulation du plexiglas. À cette structure de base poreuse résulta un matériau d'une épaisseur de 1,2 mm, présentant une transmittance optique de l'ordre de 85%. Les études des chercheurs du Wallenberg Wood Science Center ont montré que la transparence diminue avec l'augmentation de l'épaisseur du bois et l'augmentation de la fraction volumique de cellulose dans la matrice. Les propriétés mécaniques du matériau composite ainsi obtenu, quant à elles, se révèlent meilleures que celles du bois ou du MMA. Le MMA, c'est le métacrylate de méthyle de tonton. Ainsi, un bois transparent présentant une fraction volumique de cellulose égale à 19% est deux fois plus résistant et rigide que le plexiglas. L'équipe doit encore améliorer la transparence de ce nouveau matériau, explorer les possibilités offertes par différentes essences de bois et travailler à l'industrialisation du processus de production. Toutefois, grâce à ses propriétés mécaniques structurelles et à ses nouvelles propriétés fonctionnelles de transparence, ce biocomposite nanostructuré se présente d'ores et déjà comme un excellent candidat pour les applications pratiques, et notamment dans le secteur du bâtiment, un secteur qui pourrait largement bénéficier d'un tel matériau léger, peu coûteux et susceptible de servir de base à la construction de façades semi-opaques ou encore au développement de cellules solaires transparentes. Le sexe des bébés serait-il déterminé par un virus? Chez les mammifères, y compris l'être humain, le sexe pourrait être déterminé par une simple modification d'un virus fossile incrusté dans l'un des chromosomes sexuels. En fonction de l'expression ou du silence de l'invalidité virale, l'avantage serait donné au genre féminin ou masculin. Le sexe d'un fœtus chez la plupart des mammifères, notamment l'homme, serait déterminé par un fragment de virus fossile intégré au génome. C'est ce que révèle une étude parue dans la revue scientifique Nature. Pour les biologistes, il est déjà admis qu'au moins 8% de l'ADN humain dérive de fragments viraux. Récemment, des chercheurs avaient également prouvé la présence de deux virus dans leur intégralité au sein d'une large part de la population. Quant à leur fonction, elle reste largement débattue. Une hypothèse qui semble faire consensus serait que l'un de ces restes viraux permettrait à une femme enceinte de développer une sorte de protection pour son fœtus contre ses propres toxines. La nouvelle étude apporte une autre idée. Un virus influencerait le devenir du chromosome X au cours de la fécondation des mammifères, du moins chez la souris. On rappelle que la femelle présente des chromosomes XX et le mâle des chromosomes XY. Plus précisément au stade embryonnaire précoce, un mécanisme épigénétique, c'est-à-dire induit par l'environnement au sens large, empêcherait l'expression des gènes du virus intégré au chromosome X, ce qui déterminerait donc le sexe du bébé. Ainsi, si le niveau du marqueur moléculaire reste normal, le chromosome X est actif et autant de mâles et de femelles voient le jour. Au contraire, s'il est surexprimé, le chromosome X devient silencieux et deux fois plus de mâles que de femelles naissent. Pourquoi les pourcentages de mâles et de femelles chez les mammifères sont déterminés par un reste de virus fossile? Les chercheurs n'ont toujours pas la réponse à cette question. Ils ont cependant réalisé une autre découverte intéressante sur ce mécanisme. Dans le nouveau marqueur, les gènes sont réduits au silence par une liaison de méthyle ajoutée à l'adénine. L'adénine est l'un des quatre nucléotides qui forment avec la cytosine, la guanine et la thymine des paires de bases de l'ADN. Or, il était jusqu'à présent largement supposé qu'une modification de la cytosine était la seule forme chez les mammifères de silençage génique, donc l'interruption ou la suppression de l'expression d'un gène. En revanche, dans d'autres organismes qui ne sont pas des mammifères, tels que le ver Canorbaptis elegans et la mouche Drosophila, ce mécanisme joue un rôle tout à fait opposé et les active. L'évolution utilise souvent la même pièce, mais à des fins différentes, ce qui semble être le cas ici, nous dit-on. Depuis des dizaines de millions d'années, les virus envahissent les génomes et se dupliquent dans l'ADN de leur hôte. Celui passé à la loupe dans la présente étude aurait rejoint le génome humain il y a 1,5 million d'années. Ça peut sembler très vieux, mais c'est en fait relativement récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Les emballages alimentaires intelligents sont à nos portes. À l'École Polytechnique Montréal, le professeur Abdella Hadji et son équipe mettent au point des emballages alimentaires intelligents qui interagiront avec les consommateurs afin de leur indiquer si les produits sont comestibles ou non. Un film de plastique qui vous signale si votre longe de porc a dépassé sa date de péremption, un contenant qui vous informe du degré de fraîcheur de vos amandes ou encore un emballage qui indique la présence de salmonelle dans votre jambon. L'industrie et les consommateurs en rêvent des emballages intelligents qui réduiraient les risques d'intoxication alimentaire et lutteraient contre le gaspillage. D'ici quelques années, tout cela deviendrait réalité, notamment grâce aux travaux d'Abdella Hadji, professeur au département de génie chimique de Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG Saputo Excelpac sur les matériaux et films pour des emballages sécuritaires, intelligents et durables. À l'heure actuelle, on trouve dans les magasins des emballages qu'on appelle passifs, fait de plusieurs couches invisibles à l'œil nu, parfois jusqu'à une dizaine. Ils empêchent les éléments externes de détériorer l'aliment comme l'oxygène, la vapeur d'eau ou des éraflures. Les emballages sont devenus multicouches car aucun matériau n'offre à lui seul tous les types de protection. Par exemple, les plastiques ont une bonne barrière à l'oxygène mais pas à la vapeur d'eau. La mission première de l'emballage est de contenir et de protéger le produit alimentaire. Avec les emballages intelligents, on souhaite aller un peu plus loin pour permettre une interaction avec les consommateurs à l'aide de détecteurs chimiques de toutes sortes appliqués sur leur surface. On peut montrer si le produit est comestible, périmé ou même contaminé. Sur les étalages, les emballages actifs font aussi leur apparition. Ils ont la particularité d'interagir avec l'atmosphère du produit emballé. On les classe en deux catégories, les absorbeurs et les émetteurs. Les premiers capturent des produits qui, avec le temps, dégraderont l'aliment. Encore une fois, on parle d'oxygène et de vapeur d'eau, mais aussi de gaz carbonique. Le second type d'emballage actif relâche des composantes qui préservent l'aliment, lui donne un petit coup de pouce pour apparaître appétissant aux yeux des clients. On pense entre autres à l'éthylène qui, en petite quantité, aide au mûrissement des fruits. Le professeur Adji étudie la détection des sous-produits de la détérioration des aliments. Les produits alimentaires dégagent des gaz lorsqu'ils atteignent un certain niveau de dégradation. Pour le poisson, ce serait l'ammoniac. Dans le cas du poulet, ce serait le sulfure d'hydrogène. Des fruits qui commencent à pourrir émettront de grandes concentrations d'éthylène. Donc, ils développent des outils pour repérer ces gaz et envoyer un message aux consommateurs. L'ingénieur s'adresse particulièrement à trois techniques. La première consiste à insérer des nanoparticules dans des nanofibres qui résultent en une membrane ayant la propriété de changer de couleur au contact des gaz. Je cite... une réaction acide-base qui agit comme le papier utilisé pour mesurer le pH d'une piscine. Si le gaz est basique comme l'ammoniac, on a recours à des particules acides. Au fur et à mesure que le gaz s'échappe de l'aliment, la membrane introduite dans l'emballage passera du bleu au mauve, informant ainsi le client de l'état de comestibilité du produit. Une deuxième technique fait appel à la conductivité. Le gaz émis altère ou bloque carrément le courant électrique. L'emballage transmet l'information à l'aide d'une petite lumière dont l'intensité faiblit selon la concentration du gaz. Ça pourrait être aussi au moyen d'une puce dont le contenu est déchiffrable grâce à un téléphone intelligent. Et il y a enfin la technique de la fluorescence dévolue à la reconnaissance de bactéries comme le coli, la listeria et la salmonelle. Je cite, une fois en contact avec la bactérie, le détecteur chimique émet un signal fluorescent pouvant être lu par un téléphone ou par la caisse enregistreuse. Abdella Hadji a récemment reçu près d'un million de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation et du gouvernement du Québec pour poursuivre ses recherches. Le professeur et son équipe se sont lancés un autre défi, réduire la quantité de matière utilisée dans ces mêmes emballages et augmenter leur durabilité et leur dégradabilité. Les détails sont dans l'article sur assemblagerequis.com. Les scientifiques travaillent sur un béton auto-régénérant pour en finir avec les meat pools. Des chercheurs de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique tentent de consolider leur avance dans le développement d'un béton intelligent capable de s'auto-régénérer, réduisant ainsi grandement les risques de catastrophes et prolongeant la durée de vie des édifices et des autres infrastructures. Le professeur de génie civil Rishi Gupta a expliqué que son département effectue des recherches pour élaborer une combinaison de matériaux pouvant produire un béton durable et à l'épreuve de fissures, ainsi que des mélanges capables de repérer des lézardes. Lors d'une récente présentation de son travail à l'Assemblée législative britanno-colombienne, M. Gupta a affirmé que l'objectif était de concocter une variété de mélanges qui permettrait d'obtenir du béton qui ne se fissure jamais. Je cite, « Si le béton décide tout de même de craquer, nous sommes en train de concevoir des systèmes intelligents qui auront la capacité de s'auto-régénérer. » Il précise que le béton est un matériau de construction et le matériau de construction le plus utilisé au monde. Le scientifique a révélé que ses recherches avaient deux buts principaux, fabriquer un béton qui ne se lézarde pas et surveiller la durée de vie des infrastructures construites en béton. Il travaille avec du béton auquel des fibres ont été ajoutées. La Colombie-Britannique est un chef de file en matière du béton renforcé avec des fibres. Rishi Gupta a indiqué que son département testait la capacité du béton à s'auto-régénérer en fonction des différentes quantités de fibres versées dans le mélange. Ces fibres comprennent des déchets industriels comme des cendres volantes et de la cellulose de bois. Ils ont un brevet qui a été récemment approuvé. Ils possèdent la seule technique au monde pouvant être utilisée pour mesurer la vitesse à laquelle les systèmes comme ceux-là s'auto-régénèrent. Ils sont en mesure de prédire la durée de vie du béton. Selon M. Gupta, les mélanges remédient aux fissures et prolongent la durée de vie du béton, ce qui est aussi bénéfique pour l'environnement. Encore une fois, les détails sur assemblagerequis.com. Allons-y avec des vidéos enregistrées sur de l'ADN. Enregistrer un livre entier dans les molécules d'ADN, c'est fait depuis un certain temps. Les chercheurs sont allés un cran plus loin avec des images et des vidéos. La densité du stockage et la durabilité des mémoires à base d'ADN surpassant celle de nos disques durs et autres mémoires flash, elles devraient se développer dans un futur pas trop lointain. En 97, le biologiste Jack Cohen et le mathématicien Ian Stewart ont introduit dans leur livre Figments of Reality, The Evolution of the Curious Mind, un néologisme, celui d'existelligence. Il désigne l'information et l'intelligence collective de l'humanité sous forme d'œuvres culturelles, de livres, de DVD, de bibliothèques, de réseaux sociaux, ainsi que les interactions culturelles et intellectuelles entre les membres de l'humanité. On peut donc penser l'existelligence comme l'intelligence et la mémoire d'une sorte de cerveau collectif de l'humanité. Cette intelligence risque d'être sérieusement endommagée au cours du 21e siècle et il est bien possible que nos descendants du prochain siècle soient frappés d'amnésie bien pire que celle qui a frappé l'Europe à la suite de la chute de l'Empire romain, laquelle nous a fait perdre bon nombre des accomplissements et des œuvres de la culture grecque. Il y a pour ça deux raisons. La première est que l'énergie permettant de faire fonctionner cette intelligence et de la conserver risque fort de nous faire défaut. Les ressources en énergie fossile vont s'épuiser ou pour le moins seront indisponibles si l'on veut éviter de trop déstabiliser le climat. Notre civilisation technologique pourrait donc bien chuter, exactement comme l'a fait l'Empire romain. La seconde raison est que la quantité d'informations que possèdent et produit l'humanité de façon encore exponentiellement croissante devient de plus en plus volatile à l'heure du numérique. Pour s'en convaincre, il suffit de penser aux vidéos YouTube, aux courriels, aux pages Facebook, aux livres numériques cachés sur Amazon, où on aimerait bien pouvoir stocker efficacement ces données sur des supports capables de durer des siècles. Or, que sont déjà devenus les fichiers qui tournaient sur nos ordinateurs il y a 20 ans, les vinyles et autres bandes VHS il y a 30 ans seulement? Plus concrètement, oui. Il faut donc trouver des alternatives aux serveurs et aux disques durs qui non seulement soient capables de stocker de plus grandes quantités d'informations, mais aussi de façon durable, respectueuse de l'environnement et à très bas prix. Ça semble être la quadrature du cercle, mais on réfléchit depuis quelques années à une solution. Elle consiste à utiliser le plus formidable et le plus durable support d'information inventé par la vie, qui s'appelle donc l'ADN. Le principe de la méthode consiste à encoder une information en binaire sous la forme d'une série de bases de l'ADN représentées par les lettres A, C, G et T. Il faut ensuite synthétiser un brin d'ADN contenant cette information, puis le stocker, par exemple, dans une nanosphère de silice. L'ADN peut ultérieurement être extrait, séquencé et décodé. Une première preuve de la faisabilité de cette technique a été donnée il y a quelques temps en enregistrant un livre entier, soit 5,37 MB, dans seulement un picogramme d'ADN, qui est donc un millionième de gramme. Cela représente une densité de stockage spectaculaire d'un million de gigabits par centimètre cube, c'est-à-dire plus de 10 milliards de fois la densité de stockage d'un CD. Parmi les chercheurs qui développent des dispositifs pour écrire et lire des informations sur une mémoire à base d'ADN, on trouve par exemple les membres du Molecular Information Systems Lab de l'Université de Washington. En collaboration avec des membres de Microsoft Research, ils ont mis au point une nouvelle technique pour concrétiser cet objectif. Afin d'atteindre une haute densité de stockage et de réduire les erreurs liées au processus d'enregistrement et de lecture, ils ont notamment fractionné l'information en plusieurs brins d'ADN qu'ils ont déshydratés. Lors d'un colloque de l'ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, l'ACMICASPLOS, les chercheurs ont présenté leurs derniers travaux dans un article. Ils y annoncent avoir réussi à enregistrer et à lire sans erreur des fichiers d'images ainsi que des vidéos montrant les entrevues des juges et des avocats impliqués dans le tribunal chargé de juger les crimes de guerre commis au Rwanda. Selon les chercheurs, à terme, des serveurs de la taille de supermarché n'occuperont plus que le volume d'un cube de sucre. Les premiers médicaments imprimés en 3D sont disponibles aux États-Unis. En août 2015, la FDA, qui est en charge du contrôle et de la réglementation du médicament aux États-Unis, avait donné son accord pour un médicament imprimé en 3D, un anti-épileptique. La firme qui le commercialise a annoncé qu'il était maintenant disponible pour les patients. L'impression 3D permet une personnalisation du médicament et de lui donner de nouvelles formes et structures. L'impression 3D est une véritable révolution pour l'industrie, le design, la médecine ou encore l'électronique. Elle rend en effet accessible des produits qui seraient bien plus coûteux autrement. Elle est aussi déjà utilisée en médecine pour fabriquer des prothèses personnalisées ou des implants dentaires sur mesure. Voici d'ailleurs que s'ouvrent de nouvelles applications au service de la santé, c'est l'impression 3D de médicaments. Donc, comme je le disais tantôt, en août 2015, la Food and Drug Administration, en charge du contrôle et de la réglementation du médicament aux États-Unis, a autorisé la première pilule imprimée en 3D grâce à la technologie ZipDose développée par l'entreprise Aprecia. Il s'agit du Spritam, le Levetiracetam, un médicament contre l'épilepsie. Grâce à l'impression 3D, la pilule est plus poreuse. Le médicament se dissout plus rapidement au contact du liquide, ce qui permet d'avaler plus facilement de fortes doses. Aprecia vient d'annoncer que le médicament est désormais disponible pour les patients américains. Ici, l'impression 3D change la structure physique de la pilule. Grâce à l'impression 3D, le médicament est produit en utilisant des couches de poudre à déposer les unes sur les autres. La technologie ZipDose utilise une méthode développée au Massachusetts Institute of Technology à la fin des années 80, dans laquelle un fluide aqueux permet de lier entre elles les couches de poudre. La société Aprecia utilise les droits brevetés de cette technique et les médicaments sont assemblés couche par couche sans utiliser de force de compression comme pour d'autres médicaments. La technologie de ZipDose permet de délivrer les médicaments à haute dose sous une forme qui se dissout rapidement. Spritam est disponible sous quatre formes, donc 250, 500, 750 mg et 1000 mg. Donc, c'est ça, 1000 mg. Ça permet aux personnes souffrant de dysphagie, qui est un problème pour avaler les pilules, c'est courant chez les épileptiques d'ailleurs, de prendre plus facilement leurs médicaments. La pilule poreuse pourrait également être intéressante pour d'autres médicaments difficiles à avaler par des patients qui ont un trouble de la déglutition ou encore pour les enfants. L'impression 3D permet aussi une médecine plus personnalisée. Ainsi, en ajustant le logiciel avant l'impression, les hôpitaux pourraient choisir les doses et imprimer des pilules en fonction des besoins spécifiques des patients. Le Guardian annonce que les chercheurs de l'University College London ont développé une technique d'impression 3D de pilules de différentes formes, par exemple en forme de pyramide. En effet, la forme du médicament influence la vitesse à laquelle le principe actif est libéré. La vitesse de délivrance du médicament dépend de son rapport surface-volume. Ainsi, un médicament en forme de pyramide libère ses molécules plus lentement qu'un cube ou une sphère, d'où l'intérêt d'avoir la possibilité d'imprimer le médicament de la forme la plus appropriée. Maintenant, des lunettes intelligentes pour les presbytes. En modifiant en temps réel la focale des verres de lunettes grâce à des cristaux liquides, une équipe de jeunes ingénieurs veut offrir aux presbytes une alternative aux verres progressifs. Ils sont optimistes, ils espèrent un prototype dans 2 ans. Ils ont déjà levé des fonds. Avec une couche de cristaux liquides, des capteurs et de l'électronique, la jeune entreprise israélienne Deep Optics espère changer la vie, ou plutôt la vue, des presbytes. Actuellement, il leur faut regarder à travers des verres à focale variable, de haut pour voir loin et en bas pour voir de près. Ce faisant, ils doivent accepter des déformations incessantes dans leur champ de vision. Les marches de l'escalier semblent se dérober lorsqu'on regarde plus loin, et si on les fixe, ce sont les murs qui vacillent. 3 ingénieurs israéliens spécialisés dans l'optique, les systèmes d'imagerie et l'informatique ont eu une autre idée. Elle consiste à déterminer en temps réel, grâce à des capteurs fixés dans les branches de la monture, l'écartement entre les pupilles, donc la direction du regard de chaque œil. Pour voir de près, les deux yeux louchent et s'écartent pour regarder plus loin. Sur ces lunettes qui restent encore à mettre au point, les capteurs envoient leurs mesures à un calculateur installé dans la monture qui détermine la distance. Ils commandent une couche de cristaux liquides installée au sein de chaque verre de telle manière que la focale varie à bon escient. Deep Optics, qui espère un prototype dans 2 ans, vient de lever des fonds et l'entreprise française Essilor figure parmi les investisseurs. La technologie pourrait également s'appliquer à la réalité virtuelle. La société serait en pourparlers avec certaines entreprises de ce domaine et vous pouvez visualiser le fonctionnement des lunettes dans une petite vidéo en anglais sur assemblagerequis.com. Et on va terminer avec celle-ci. Tiens, certaines personnes voient 100 fois plus de couleurs que les autres. Profitez de l'Ultra HD et devenez tétrachromate, nous dit Click.com. Certains animaux et quelques rares humains voient 100 fois plus de couleurs que d'autres. Vidéo ultra haute définition, espace colorimétrique étendu, audio haute résolution, alors que la technologie progresse d'année en année, l'évolution de l'espèce humaine se joue sur des millénaires. Mais la technologie ne dépasserait-elle pas la perception humaine? La question se pose à plus d'un titre, notamment en matière de perception des couleurs. La chaîne YouTube Discovery News vient justement de publier une vidéo liée à ce sujet. La vidéo répond à la question suivante. Certaines personnes peuvent-elles voir plus de couleurs que vous? La réponse est oui. La plupart des hommes voient de l'ordre de 1 million de couleurs. Ils sont trichromates. Leur rétine comporte 3 sortes de photorécepteurs appelés des cônes, sensibles au rouge, au vert et au bleu, chaque groupe distinguant environ 100 nuances par couleur. Chez certaines personnes, un de ces groupes de photorécepteurs est inopérant, ce qui les rend dichromatiques, c'est ce qu'on appelle communément être daltonien. Mais selon quelques études récentes, d'autres jouissent au contraire d'un quatrième groupe de photorécepteurs, capables eux donc de distinguer de l'ordre de 100 nuances. Ces personnes sont tétrachromates. Elles peuvent distinguer 100 puissance 4, donc 100 millions de couleurs. Ce sont majoritairement des femmes, qui seraient tétrachromates. Environ 1% d'entre elles, pour les mêmes raisons selon lesquelles ce sont surtout les hommes qui sont daltoniens. Les gènes spécifiques aux cônes sont situés au niveau du chromosome X, qui est le déterminant sexuel. Les femmes en possèdent 2 et les hommes en ont qu'un seul. Quoi qu'il en soit, une fraction seulement des tétrachromates seraient exploités leur quatrième type de cône. Et contrairement à d'autres espèces animales, tétrachromates qui bénéficient d'un spectre étendu, leur permettant le plus souvent de voir l'ultraviolet. Chez l'homme, le tétrachromisme permettrait seulement de distinguer en plus grand nombre de nuances, c'est-à-dire de distinguer plusieurs couleurs là où les trichromates n'en perçoivent qu'une seule. Ouf! Voilà, c'est tout pour Merci Science. On va s'écouter une petite chanson chiptune avant de se quitter. Donc écoutons une pièce de Chrono Trigger. C'est une version remixée. Ça s'appelle Giant Mechanical Cat. C'est par Official Blue Beats. On écoute ça tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show. Sur ce... Vous avez reconnu une chanson de Super Smash Brothers. C'était par Voodoo Lion, une version remixée, un petit peu funky et pop. Je les ai jouées ensemble, les deux précédentes pièces, parce que c'est un petit peu hip-hop, les deux. L'autre avant, c'était Chrono Trigger, hip-hop remix, Giant Mechanical Cat par Official Blue Beats. Au Mathieu Plante Show, et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve mercredi prochain en direct de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 14h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis mardi de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cif.ca à retrouver les notes de l'émission et balles d'audition sur assemblagerequis.com. Restez là pour Audiomatic qui s'en vient après nous les mercredis. Hein? N'oubliez pas ça. De la part de toute l'équipe du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et de Samuel Girard, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye bye!